anciens se souviendront peut-être d'un standardman qui s'appelait Johnny Crossan, mais les plus jeunes comme vous. Oui, ça c'est, j'allais dire, c'est pour vous. Et les plus jeunes se souviendront de Dominic Foley, qui est resté un certain temps dans notre championnat, et jusqu'à ans. Un ouais. certain âge d'ailleurs aussi, du côté du Cercle de Bruges et de la Gantoise, le toss entre les deux capitaines, avec le grand John Oshie et Eden Hazard, parce que contrairement aux apparences ou aux clichés que l'on oui. pourrait avoir par rapport à cette équipe d'Irlande, eh bien, il n'y a pas de non. si grand format, à part justement les défenseurs centraux, Clark et Oshie, qui est le plus grand de cette équipe. Randolph l'est également, puisqu'il a eu un passé de basketteur en équipe nationale d'Irlande, et oui, avant d'opter finalement pour le football. Ouais, son papa a été basketteur aux États-Unis. Ed Randolph, c'est donc un joueur naturalisé. Et donc, voici l'arbitre turc qui n'a pas alerte, se dirige vers le centre du terrain. Les diables dans leurs couleurs habituelles, l'Irlande en blanc et en vert. Le voilà, ce deuxième match donc du groupe E, tant attendu. Espérons, mais nous n'en doutons pas, Manu, que ce soit véritablement cet après-midi à Bordeaux, le coup d'envoi de l'Euro pour les Diables. Voilà, fustigé par cette défaite contre l'Italie, alors que je pense qu'il y a toute une série d'Irlandais qui viennent de comprendre que le match allait débuter et qui sont en train, là, à grandes enjambées, d'aller prendre leur place dans les gradins. C'est vraiment ce qui s'appelle attendre la dernière minute. Alors que les Diables sont déjà disposés à leur position avant le coup d'envoi, on en est toujours à la petite réunion d'équipe côté irlandais, et maintenant les voici, les verts et blancs, les boys in green, hein, le surnom, les garçons en vert là, qui vont aller prendre leur place aussi. Le coup d'envoi va être donné par les Diables Rouges avec Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Ça tombe bien, ce sont vraiment les deux qui nous doivent une belle revanche. Voilà, donc l'arbitre turc, monsieur Çakır, qui va donner le coup d'envoi de ce match dans quelques petites secondes. Allez, le décompte, voilà. Le countdown to kick-off, hein, comme on l'annonce ici en bon français. It's a final countdown. Alors, Europe, ça a 30 ans. Voilà. 2. Attention. 1. C'est et voilà, parti. C'est parti. Et le coup d'envoi est donné par la Belgique avec une première balle remise en retrait dans les pieds de Meunier. Et avec déjà une certitude, Shane Long sera le seul élément là-bas, tout devant, avec en soutien Wes Hoolan, qui lui est le plus petit format sur la pelouse. Les Belges au ballon, Vertonghen, long ballon à suivre là-bas de Vermaelen. C'était en direction de De Bruyne, c'est redégagé par la défense et par Oshie, en l'occurrence De Bruyne. Il y a une faute. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait déjà une première bonne passe de Hazard vers De Bruyne qui avait tenté directement de joindre Carrasco. Mais la faute a été commise en effet là par le citoyen, le natif en tout cas de Tronchienne, sur Drongen. L'Irlandais, ouais. Drongen, hein, dans la langue néerlandaise, Glenn Whelan, qui était victime de cette faute. Et donc le coup franc là en faveur de l'Irlande, moins d'une minute de jeu, et c'est le gardien Randolph qui va aller s'en charger. Ouais, alors qu'il est une bonne dizaine de mètres devant son grand rectangle. Une minute de jeu, 0-0 bien sûr, tout est réuni pour avoir un bon match de foot. Il ne pleut pas, la pelouse est en excellent état et l'ambiance est au top dans les gradins. Tête de Witzel avec un grand dégagement de Thomas Meunier, c'est redégagé là par la défense irlandaise, par Clark en l'occurrence. Un ballon qui va revenir chez Vermaelen, qui va être récupéré par Jeff Hendrick. Et nous voici sur la droite avec Coleman, l'équipier donc à Everton, on le rappelle, de Lukaku. Très bonne intervention de Vermaelen, qui avait déjà été très bon au premier match, hein. Ouais, effectivement, ça avait été le pilier de la défense, Coleman, équipier en effet de Lukaku et de Miralas, mais qui ne figure pas dans le groupe, lui. Coleman également homonyme de l'entraîneur du Pays de Galles. Rentrée de touche donc pour l'Irlande avec le dit Coleman sur la droite, qui prend son temps là avant d'effectuer cette rentrée. C'est très long, hein. C'est très très long, voilà, qui est fait dans les pieds de Houlahan. On revient chez Coleman qui essaye de passer Eden Hazard. Ouais, bien défendu, qui s'interpose très très joliment. C'était bien fait en effet de notre capitaine qui repart de l'avant. Ouais, Eden Hazard, belle chevauchée avec un ballon pour De Bruyne qui a été contré. Il n'y a pas de faute là par Clark. Le ballon déjà chez Lukaku sur la gauche, et c'est une rentrée de touche qui est concédée par Oshie. Allez, il n'y a pas de grande observation, on est directement dans le vif du sujet. Ah oui, c'est un deuxième match, on voit que c'est différent effectivement, et un autre adversaire. On est pas mal entré dans le match pour l'instant dans ces deux premières minutes, avec Vertonghen pour la remise en jeu qui sera peut-être longue, mais il appelle De Bruyne un petit peu plus près de lui. Il cherche finalement Lukaku, la balle est déviée vers Hazard qui rend à Vertonghen, et on revient finalement chez Witsel qui va devoir aérer le jeu un petit peu. Ouais, ce qu'il fait en passant par Alderweireld tout derrière. Alderweireld, premier ballon, ou presque en deuxième, touché par Thomas Meunier. Meunier pour Carrasco, contrôle un petit peu difficile pour le citoyen de Vilvoorde, c'est redégagé là-bas par les Irlandais. Duel avec Alderweireld et Long, et finalement c'est un ballon récupéré par Kevin De Bruyne. Ah oui, il semble déjà beaucoup plus incisif, hein, De Bruyne, avec une longue ouverture vers Lukaku qui arrive dans le grand rectangle du côté droit. Il en ressort maintenant, il va peut-être jouer court dans les pieds de Carrasco, ce qu'il fait. Carrasco sur la droite n'a pas de solution immédiate, il donne finalement à Meunier qui l'a rejoint quasiment à sa hauteur. Meunier, oh là là, on s'est pas compris là entre les deux hommes, mais finalement heureusement le ballon ne sort pas. Meunier encore qui trouve Lukaku dans le grand rectangle, il y a trois Irlandais autour de lui, retour chez Meunier. Ouais, Meunier centré mais contré là, directement par James McCarthy. Ça manque un petit peu de vivacité dans les combinaisons là sur le flanc droit, les deux hommes ne se connaissent pas. Alors, non, Carrasco, ça se voit, hein. Carrasco vient de marcher lui sur le ballon et de perdre le dit ballon, mais bonne intervention d'Alderweireld. Oui, Alderweireld sur Long, ils ne se quittent pas d'une semelle et ils se connaissent par cœur, hein. C'est important à souligner aussi puisqu'ils ont été équipiers à Southampton quand Alderweireld était prêté là par l'Atlético Madrid. Donc ce sera un duel très intéressant. Lukaku perd le ballon là, qui n'a pas réussi à conserver l'entrée du grand rectangle. Relance de la défense irlandaise vers Long, et c'est Alderweireld qui a le dernier mot. Ouais, Long tout seul devant, avec ballon que va récupérer Dembélé. Voilà qui est fait. Allez, le donner tout de suite à Carrasco. C'est bien, un ça. Un petit peu d'espace. Carrasco qui doit partir. O'Neill fait les grands gestes. Carrasco pour De Bruyne dans le rectangle. Petit crochet de De Bruyne et un deuxième crochet. Ouais, le deuxième pour retrouver Carrasco qui va centrer. Alors, pas mal. Ouais, il a essayé de centrer court là au premier poteau dans la première zone en espérant que Lukaku puisse recouper. Ça n'a pas été le cas, mais je suis en tout cas en l'espace de 4 minutes déjà rassuré quant à l'implication de Kevin De Bruyne. Il va pas nous sortir du tout le même match que contre l'Italie. Ouais, il est temps, hein, parce que pire c'est pas possible à mon avis. Le dégagement de Randolph, gardien plutôt réserviste du côté de West Ham, et Vermaelen de la tête qui remet tout derrière à Thibaut Courtois qui relance à la main pour Alderweireld. Toujours 0-0, 5 minutes de jeu, mais on l'a dit, on est directement entré dans ce match du côté belge avec Vermaelen qui reconstruit de l'arrière avec son compère Alderweireld. Alderweireld qui a un petit peu de champ, il joue sur sa droite vers Meunier, ben qui n'a encore d'automatisme avec pas grand monde, hein, puisque c'est son sixième match seulement en équipe nationale. Long changement d'aile d'Alderweireld vers Vertonghen qui a tenté le contrôle, mais le ballon était malheureusement trop long et déjà sorti, et donc il va échoir à cette équipe d'Irlande avec une remise en jeu. Il va à nouveau être joué de la droite par Coleman Sheamus de son prénom, un vrai beau prénom irlandais, toujours 0-0. Il est pile sur la ligne médiane, le joueur des Toffees. Alors, il y a un coup de tête énergique là-bas de la part de Vertonghen, avec une récupération de Moussa Dembélé qui repart. Allez, Moussa Dembélé, lui aussi, on attend une grande prestation sous le maillot des Diables, lui qui était déjà là en 2008, rendez-vous compte, avec l'équipe olympique de Jean-François Dessart. Ah oui, ça commence à dater, hein, là, pour Moussa Dembélé, et qui avait donc entamé le match à la Coupe du Monde face à l'Algérie, également aux côtés de Witsel. Hazard qui conduit le ballon, qui rentre dans le jeu. C'est une belle ouverture pour Meunier qui était tout seul à droite. Meunier qui remet dans les pieds de Witsel, qui joue profond là pour Hazard. Witsel encore. Oui, on réclame une faute côté irlandais, mais Witsel s'en sort bien. Belle conservation de balle. Dembélé, Carrasco, et là on est à 3, un petit peu dans le même périmètre du côté droit avec Eden Hazard qui touche beaucoup de ballons. Ouais, mais on ne se trouve pas encore très très bien dans les combinaisons, ça va venir avec Meunier pour Dembélé qui est plein axe, il avance toujours l'envers soi, et cette conservation de balle, ouais, il est un peu bousculé là, hein. Ouais, mais il a perdu le ballon et les Irlandais tentent de repartir, ils ne le font pas très très bien avec un ballon ici maintenant de Whelan, et c'est sur la gauche la remontée de Ward qui n'a pas encore touché beaucoup de ballons. Attention là, parce que Long passe devant. Voilà, il va vite là. Ouais, ouais, il est bien passé là, Long. Il est du côté gauche, il va devoir jouer en retrait vers Houlahan qui lui remise le ballon. Attention peut-être au centre de Ward, on perd trop de ballons là en défense. Houlahan encore, et finalement Meunier qui se dégage un petit peu à la retourne comme il le peut, mais il y a des pertes de balles évitables, même ouais. Si heureusement elles ne coûtent rien pour l'instant. Il y avait une première mauvaise relance de Meunier là, rentrée de touche pour les Irlandais. Martin O'Neill voit un petit coup, Et la rentrée de touche va être effectuée là-bas par Stephen Ward, le latéral gauche, qui n'avait donc pas joué le premier match face à la Suède. Ward, petit ballon sauté, ça c'est pour la tête d'Alderweireld. Récupération de Dembélé. Dembélé, ouais, un petit coup de tête là pour accélérer le ballon. Lukaku appelle dans l'espace. Bon, ça. Ah oui, c'est bien, la balle de Dembélé pour Lukaku qui dévie pour De Bruyne. Il y a de l'espace sur la gauche aussi, avec Vertonghen qui plonge, qui reçoit cette balle de De Bruyne, qui va tenter le centre. Malheureusement, il est directement contré par Seamus Coleman, qui était sur la trajectoire. Rentrée de touche pour les Diables. La passe n'est pas très bonne de Bruyne. Il aurait fallu mettre plus de la foulée de Vertonghen, à mon avis, qui arrive à toute vitesse là. C'est Vertonghen qui va effectuer la rentrée de touche. 0-0, 8 minutes de jeu. Alors, Vertonghen, longue ou courte? Courte. Verwitzel qui remet à l'expéditeur. Vertonghen, le centre contré, sera son premier coup de coin? Non, ça va être récupéré par le gardien Randolph. Ah oui, qui a fait valoir ses anciens gestes de basketteur là. Il était quasiment parti pour un dunk. Alors, le dégagement de Randolph. Oui, ben, il se ravise. Pas de relance à la main. On gagne déjà un petit peu de temps. Et voilà, qui est fait du pied, le plus loin possible et dans l'axe. Mais il y a la tête de l'intransigeant Vermaelen. Hendrik, peut-être. Nous sommes sur la droite maintenant. Il n'y a pas de faute là de Vertonghen qui trouve Hazard, qui doit se débarrasser du ballon. Essayer de joindre Lukaku. Et maintenant, Carrasco, il est dans le rond central. Il peut partir tout seul, plein axe. Servir De Bruyne sur la droite. Il y a Meunier près de lui aussi. De Bruyne doit d'abord éviter un Irlandais. Ouais, De Bruyne conserve durement le ballon. Ben non, il le perd. Ah ouais, c'est une intervention rugueuse, toute britannique, mais licite de la part du joueur de l'air avec Witzel pour Carrasco. Carrasco qui avance. Carrasco avec Meunier. Est-ce que Meunier va pouvoir centrer? Ah, c'est sorti. Non, le ballon était sorti. C'est dommage. Il y a des tentatives de combinaison, certes, mais on voit qu'il y a un manque d'automatisme. Hein. Oui, ces deux-là ne se connaissent pas bien du tout. Un Meunier Carrasco, on espère que ça va se développer au cours du match. Un Meunier, effectivement, pour l'instant, dans un rôle très offensif, hein, de piston dans son couloir, comme Marc Wilmots le lui a demandé, ce qui est moins, évidemment, dans la nature de Laurent Simon. Et donc, le coup de pied de but pour Darren Randolph, qui ben, ne fait que sa 11e sélection. Il est entré tardivement dans l'équipe suite à la blessure du cadre chez Given face à l'Allemagne. On a déjà 64% de possession de balle. Manu, ce ne sera pas pour vous étonner. Non. Et ce sera une rentrée de touche pour Thomas Meunier. 9 minutes et 30 secondes de jeu ici à Bordeaux. Toujours 0-0. Allez, le petit but là. Le premier but de notre tournoi. Le premier but de la Belgique en Euro depuis 2000. On l'attend, c'est comme vous voulez, messieurs, avec Dembélé qui touche pas mal de ballons. Attention là, cette passe est un peu courte vers Courtois là. Hein. Oui, c'est dangereux ce qu'il a fait. Ouais, heureusement, Courtois a bien anticipé et a réussi même un bon dégagement vers De Bruyne avec Vertonghen et Hazard maintenant sur la gauche. Hazard qui conduit le ballon, il a un homme face à lui, il joue court dans les pieds de Witzel qui lui rend la balle. Hazard, Carrasco, et ça joue en une touche de balle, mais malheureusement Hazard était dans une position délicate, l'a dépassé par le ballon et avec le regroupement défensif irlandais. Ouais, et avec le ballon chez Vertonghen, les Belges dominent de plus en plus. Vertonghen pour Witzel. Witzel avec Dembélé. Dembélé plein axe. Il a toujours sur sa droite Meunier. Il lui transmet d'ailleurs le ballon. Toujours 0-0, 10 minutes de jeu. De Bruyne. De Bruyne encore pour Meunier. Pour l'instant, on n'entend que les supporters belges. Les Irlandais sont muets. Meunier avec un bon ballon pour Lukaku. Ouais. Il doit se retourner, empêcher le ballon de sortir. Il le récupère, ça c'est bien. Lukaku, il doit le protéger maintenant et le remiser à un partenaire mieux placé. Ce sera Carrasco en l'occurrence. Carrasco, il a Meunier à sa gauche. Il joue dans le grand rectangle là avec De Bruyne qui tentait la déviation pour Lukaku. Et encore une fois, c'est une balle catapultée dehors. Ouais, le ballon n'arrive pas avec Meunier pour Carrasco qui remet encore au Brugeois. Thomas Meunier qui va aller changer de côté, c'est pas mal ça, ouais, vers Vertonghen. Vertonghen, Hazard le demande et reçoit le ballon, position extérieure gauche, le centre de Hazard. Et non, ah, c'est pas précis, non, ça. Non, c'est très pas imprécis. Du tout, hein. Il n'y a que des maillots blancs. Ouais, récupération de Robbie Brady, le joueur de Norwich. Bah, directement, c'est la longue balle vers Shane Long. C'est très stéréotypé comme jeu avec l'intervention de Vermaelen dans un fauteuil. Il s'en sort remarquablement. Vertonghen maintenant, Hazard et Witzel. Allez, on va marquer. On est plus fort que les Irlandais, c'est, ouais, c'est sûr et certain. Alors voilà. Hazard qui continue à progresser. Hazard avec De Bruyne. Il faudra un peu plus de justesse dans la dernière passe et ça va aller. Witzel pour Vertonghen. Vertonghen à gauche. Voilà, il prend le temps de regarder, d'ajuster son centre. Finalement, ça n'est pas très bon, mais il met quand même en difficulté Glenn Whelan. Et en effet, ce sera le premier corner pour la Belgique. Cet Euro où on l'a constaté, chiffre à l'appui, on marque dans les 5 dernières minutes un match sur 2. Hein. Donc, c'est énorme. Hein. Il faut parfois se montrer très très patient. Et les équipes qui gagnent par 2 buts d'écart, ben, en général, le deuxième but, il tombe dans le temps additionnel. Bon, pour nos nerfs, on préférait quand même que ça se décante un peu plus tôt. Hein. Ben oui, autant faire mentir ces chiffres-là. Kevin De Bruyne pour le premier corner. Alors, il a levé le bras, voilà, c'est parti. Oh, la prise. Tête, non. Ouais, c'était pas mal. C'était Alderweireld. Hein. Croisé, hein, d'Alderweireld, ouais, qui était monté. C'était bien joué, avec un bon ballon de corner. Ça n'avait pas été souvent le cas contre l'Italie. Il était monté, là, il a tenté la reprise des croisés qui finalement passe quand même assez nettement à côté du but irlandais. Il en a marqué quelques-uns de la tête cette saison en Première Ligue avec Tottenham. Hein. Oui, tout à fait. Alderweireld qui a été d'ailleurs élu dans le 11 type de l'année en Première Ligue pour sa première saison à Tottenham, comme Vertonghen l'avait connu d'ailleurs quand il avait débuté là-bas chez les Spurs. Oui, la saison de toutes les louanges pour Alderweireld qui lui aussi doit quelque part se racheter par rapport au match contre l'Italie puisqu'il était l'un des fautifs, pour ne pas dire le principal, sur le but d'ouverture de Giaccherini. Il y a eu une faute à la longue, faute offensive sur Witsel. Ça repart avec Dembélé qui touche beaucoup de ballons, hein, avec en position de numéro 8 là. Hazard, il faudra un petit peu ajuster quand même la mire, hein, du côté d'Eden Hazard, là, parce que ça fait 2-3 mauvaises passes. Dégagement de Darren Randolph. Et finalement, c'est qu'il y a des faux airs de Ron Howard, je trouve, par Ron Howard, le gardien américain. Tim Howard. Ah oui, ne rappelez pas ce cauchemar-là. Parce que enfin, finalement, ça avait bien tourné. Finalement, ça avait bien tourné, mais on l'a quand même maudit pendant de très très longues minutes à Salvador de Bahia pour ce 8e de finale contre les États-Unis. Mais je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Rentrée de touche, Vertonghen. Allez, dans la profondeur pour Lukaku qui arrive côté gauche. Il est ressorti du grand rectangle. Il va devoir rendre la balle à Hazard, ce qu'il fait bien. Hazard le long de la ligne sur la gauche. Tout le monde est à l'arrêt. Il joue en retrait vers Witsel. Witsel qui va à son tour aller chercher peut-être le flanc droit. Non, il se retourne, mais il favorise le retour des Irlandais, le regroupement qui est assez compact et impressionnant. Alors Hazard avec Witsel qui marche un petit peu sur le ballon, il le perd. Quand même un petit peu de nervosité, me semble-t-il, chez les Diables dans cette rencontre, avec une faute, là, une rentrée de touche en faveur des Irlandais. Bientôt le quart d'heure de jeu, toujours 0-0 et toujours 66% de possession de balle pour les Belges. Allez, ben on est prêt à en concéder quelques pourcents aux Irlandais pour autant qu'on inscrive le but d'ouverture. Il n'est pas encore tombé alors qu'on va avoir franchi le premier quart d'heure. Les Irlandais pensaient bénéficier d'un coup franc. L'arbitre leur explique que c'est une touche qui va être jouée par Seamus Coleman dans quelques instants. Voilà, qui gagne du temps et des mètres, d'où les coups de sifflet du public belge. Oui, des mètres, il en gagne d'ailleurs quelques-uns. Coleman vers Long peut-être. Il y avait la tête de Vermaelen et le ballon est ressorti un petit peu plus haut. Ouais, dans ce duel avec Long, qui est en effet assez remuant. Et voilà, une nouvelle rentrée touche pour Seamus Coleman un peu plus loin quand même. Le quart d'heure est franchi à l'instant même. 0-0 avec ce ballon pour Hendrik. Et le centre qui va largement derrière le but de Thibaut Courtois, qui va un petit peu se dépêcher pour lui dégager son camp. On a réussi 90 passes sur 102, m'a dit pour le moment. Oui, ouais, c'est déjà ça. Mais espérons qu'il y ait davantage de passes réussies en zone de conclusion. Exact. Et de c'est là que le bas blesse. Et de mise en danger du gardien Randolph. Alors, Thibaut Courtois pour le coup de pied de but. Longue balle vers le flanc droit avec Lukaku qui bondit pour dévier la balle de la tête. Essayez de trouver Carrasco, tête de meunier à présent. Carrasco encore. Dembélé, ça c'est tout de même l'assurance de garder un ballon avec lui. Witsel, Vermaelen qui participe au jeu aussi, passe la ligne médiane et trouve Vertonghen à gauche. Vertonghen, que faire? Il attend un petit peu. Voilà, il joue avec Hazard dans le couloir. Hazard qui est tenu de très près et c'est un euphémisme là par Coleman qui a forcément commis la faute. Même, hein. Il va prendre le carton. Non, le coup franc a été joué très vite, trop vite, au goût de M. Chakir. Oui, qui a envie d'encore un petit peu discuter de la phase avec le fautif. Va-t-il sortir une carte? Non, visiblement. Mais il va quand même un petit peu sermonner le joueur irlandais. Le coup franc va pouvoir être donné par Kevin De Bruyne, qui est à proximité là, de M. Chakir. Alors que tout le monde atteint le grand rectangle adverse et que De Bruyne va donner son coup franc. Il y a tout le monde qui passe à côté, malheureusement. C'était bien donné. Hein. C'était pas mal donné, c'était rentrant. Tout le monde a essayé de mettre sa tête. Finalement, ça a touché personne et c'est sorti. Ouais. Voire même un pied. Mais ça n'a pas réussi. Witsel a été un petit peu surmonté. Là, et je pense qu'Oshie a bien fait de ne pas toucher le ballon, sinon on est proche de l'autobut. Hein. Regardez. Ouais. Ouf, oui. À mon avis, s'il le touche, là, Et on s'y connaît en autobus côté irlandais, même si c'était Clark lors du match contre la Suède. Le coup de pied de but pour Randolph. Voilà qui est fait. Longue balle vers le flanc gauche. On cherche toujours l'inévitable Long. Ouais, c'est aussi Long que large avec le ballon pour Robbie Brady. Donc vous avez dit le plus grand bien là, après le match d'ouverture dans une position d'arrière-gauche. Cette fois-ci, donc, il est médian. Et on le rappelle, c'est sa vraie place hein, du côté de Norwich. 4 buts en sélection pour ce joueur né à Dublin. Attention, là, avec les Irlandais, il y a une ouverture possible. Hazard est revenu. Heureusement, parce qu'il y avait un joueur tout seul sur la droite. Hein. Oui, et il y a eu un rebond défavorable sur Hazard qui finalement ne porte pas à conséquence, mais une perte de balle de Carrasco. Attention, là-bas, il faut se parler. Et finalement, c'est Vermaelen qui revient mettre sa tête pour éviter que la balle n'arrive dans la zone de Shane Long. On s'est fait un petit peu peur et les Irlandais obtiennent leur premier corner. Et donc, en principe, c'est Brady qui va aller le donner. Pas en principe, c'est bien lui de son pied gauche. Et tout de suite, là, un petit peu de difficulté dans cette défense belge. Brady, lui, il n'est vraiment pas pressé. Hein, non, ça. Pour aller donner ce coup de coin après 19 minutes de jeu. Toujours 0-0 et toujours pas d'occasion à cette rencontre. Non, toujours pas d'occasion, effectivement. Même si Randolph a touché plus de balles que Courtois, on ne peut pas parler de véritable danger pour lui. Allez, Brady, là, ça prend un temps fou de nouveau. 18 minutes, 0-0, corner tiré de la droite. Avec une balle qui arrive au premier poteau. Qui va... Oui, ça pouvait faire peur. C'était vicieux, ça. C'était vicieux, qui rebondit finalement sur le haut du but de Courtois. Ça a été dévié. Ce sera un corner de l'autre côté. Pour... Non, du même côté finalement pour l'Irlande, toujours avec Brady. Ouais, deuxième coup de coin consécutif pour les Irlandais. 0-0, 19 minutes. C'est une balle. Il y a une petite claquette là, du grand Courtois, parce que cette balle-là, elle est levée. Peut-être dans la lucarne de son but. C'est les supporters irlandais forcément qui se réveillent puisque c'est la première séquence offensive de leur joueur. Brady, il les donne bien et Courtois s'en part sans problème. Et il relance vers Carrasco. Ah oui, belle relance, puissante, à la main, dans la foulée de Carrasco qui est passé à gauche. Il est directement coupé là par Coleman qui s'interpose et met le ballon dehors. Rentrée de touche, De Bruyne maintenant. Mais c'est dans ces circonstances-là qu'il faut accélérer. Hein. Ouais. De Bruyne, Dembélé, Witzel et à présent Hazard qui du coup est passé à droite. Hazard pour Meunier sur la droite. Meunier qui avance, Meunier toujours. Petit passement de jambe, Thomas Meunier, le centre contre écoute quoi. Ouais. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Le Brugeois, deuxième corner pour la Belgique qui va être donné par Kevin De Bruyne. 20 minutes de jeu et Manu, si c'était maintenant. Oui, on va de nouveau dire ça. Ah non, mais fois. Non, il faut à un moment donné forcer le destin. Ah mais oui, bien sûr. Envoyer des ondes positives. Ça ne marche pas toujours. Le premier corner était bien donné de la gauche. On espère que ce sera le cas avec celui-ci aussi. De la part de De Bruyne, c'est assez tendu. C'est beaucoup moins bien donné. Avec un ballon sortant, forcément, là, de son pied droit. Et qui va revenir très, très bas dans le jeu, à l'intérieur du rond central, chez Thomas Vermaelen. Dembélé pour Carrasco, dans un rôle pour l'instant très central. Carrasco, Dembélé encore. Dembélé, à qui donner cette balle? Il y a trois joueurs irlandais devant lui. Finalement, c'est De Bruyne à droite. Le centre de De Bruyne, ça c'est bon. Ah, Lukaku. Et là, reprise. Oh, Là, ça c'était une superbe possibilité. Tu dois cadrer. Ah oui, il doit cadrer cette balle. Il a reçu le ballon dans la zone gauche du grand rectangle. Il était tout seul. Et il n'a pas cadré. Ça c'était une grosse occasion. Ah oui, ça va venir, hein, parce que c'est pas possible. Là, sur ce deuxième ballon, il a le temps même de le contrôler. Non, il ne le contrôle pas. Il le prend en demi-volée et ça fuse au-dessus du but. Ouais. C'était une belle possibilité pour les Diables. Oui, mais même en demi-volée, avec le talent qui est le sien, il doit cadrer cette balle, Eden Hazard, après 20 minutes. Grosse occasion. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Attention à la réaction irlandaise, un petit peu de déconcentration derrière, mais je pense qu'on a heureusement sifflé une faute sur Vermaelen. Oui, Shane Long, il va prendre une carte, hein, c'est pas possible, parce qu'il est extrêmement nerveux, là, et là, à mon avis, il pouvait la prendre pour cette faute sur Thomas Vermaelen, mais l'arbitre turc préfère, à nouveau, le dialogue. Oui, en effet, donc ce sera un coup franc, mais très bas dans le jeu pour les Diables, avec Long, l'auteur de cette faute, donc sur Vermaelen, ne pas nous l'abîmer, hein, déjà qu'il essaye de retrouver du rythme, lui. Vermaelen pour Witzel. Il y a un appel très haut dans le couloir de Vertonghen, et du coup, à ce moment-là, Meunier ne monte pas, puisqu'on applique cette règle, évidemment, d'une montée d'un latéral, mais à tour de rôle. Et là, c'est une perte de balle, et à nouveau, Vermaelen doit colmater la brèche. Ouais, De Bruyne qui récupère, c'était lui qui avait perdu le ballon. De Bruyne pour Dembélé. Dembélé, attention, il y en a deux autour de lui. Il reste assez calme, hein, Dembélé. Oh, la relance, là, d'Alderweireld, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, attention, si ça amène une occasion, là, il se rattrape, il tacle à l'anglaise, il ne commet pas de faute. On a quand même eu peur, là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Alderweireld? Maintenant, c'est Dembélé qui remonte. Allez, il y a des solutions sur la gauche avec Witzel. Witzel qui avance. Son infériorité, il faut en profiter. Ouais, mais c'est trop lent. Hein, c'est trop lent avec Hazard maintenant. Hazard qui va un petit peu rentrer dans le jeu. Allez, De Bruyne peut frapper. De Bruyne peut crocher, mais ça se confirme tout de suite. Ah oui, il faut le faire en première intention. Hein, sinon, directement, ce double rideau se referme. On est parlé assez vite dans la reconversion parce qu'il terminait un mouvement offensif. Ils étaient en infériorité derrière. Il y avait des trous, mais il faut pouvoir en profiter plus vite. Alors qu'on a quand même eu un petit peu peur sur cette relance vraiment catastrophique d'Alderweireld il y a quelques instants. Dembélé, Witzel. Je crois qu'on devrait jouer plus par les flancs. Hein. On s'est vertu à vouloir passer dans l'axe où tout est bouché. C'est bouché, complètement. Alors Hazard avec Vertonghen qui a un petit peu de mal à aller rechercher ce ballon. Bon, je crois qu'ils sont nerveux. Allez, Diab, attention, Vertonghen, mais il court lui, mais dans l'autre sens. Lui. Ah oui, là, et ils sont accrochés. Par Goldman, faut sortir ça suffit carton, hein, maintenant. Hein. Allez, monsieur Tchaki, là, on sort le petit carton. Là. Toujours pas. Hein. Alors que c'est loin d'être la première. C'est vrai qu'on a Shane Long et Coleman. Ils sont peut-être les plus impétueux là, alors que Vertonghen a été poursuivi pendant de longs mètres. Poursuivi, tenu par le bras, tiré par le maillot et finalement crocheté. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Et toujours pas de carton. Non, mais ça va venir. Hein. C'est pas possible. Nous avons deux tirs cadrés pour l'instant. Non, deux tirs pas de cadrés. 66% de possession de balle, mais ça ne veut rien dire, évidemment. Avec Witzel qui est dans le rond central, 20, mais déjà la moitié de première période. Meunier qui avance, évidemment 1-0, on prend. Hein. Ah oui, on prend. C'est très bien comme ça. Dembélé qui perd le ballon. Non, ça va, il le récupère et il n'a pas commis la faute. Ouais. Allez, il accélère un petit peu en se débarrassant de Houlahan. Encore une accélération de Moussa Dembélé dans. Vraiment ces arabesques là, il retrouve Hazard sur la gauche, Hazard pour Witzel, il est un petit peu seul. Oh là, le mauvais contrôle de De Bruyne là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va du coup récupérer un petit peu plus bas et chercher Vertonghen à nouveau pour De Bruyne qui est au 35 mètres. De Bruyne, petit ballon sauté, il n'y a pas d'hors-jeu. Si. Il y a hors-jeu de la part de Carrasco. Non. Fausse joie pour les supporters belges. Le drapeau s'est directement levé. Et là, c'était bien joué la petite louche de De Bruyne. Hein. Ouais, on va le revoir. Très beau geste technique de la part de De Bruyne. On va observer la position. Oui, il l'est. C'est limite. Bon arbitrage. Oui, il l'est tout à fait. Et donc, Carrasco, cette reprise qui finalement est repoussée par la latte et la balle prolongée dans le but, mais ça n'y fait rien. Mais puisqu'il y avait bel et bien position de hors-jeu, donc les deux occasions que vous évoquiez jusqu'ici, eh bien c'était la reprise de la tête d'Alderweireld sur le premier corner belge et la demi-volée d'Eden Hazard qui est passée à côté du but. Ouais. Avec le dégagement là de Darren Randolph, avec un duel gagné par les Irlandais avec Robbie Brady, mais c'est directement dans les bras de Courtois. Évidemment, qualitativement, ça n'est pas l'Italie hein, en face de nous. Mais non. Mais notre jeu ça, manque clair. Encore un peu de liant, hein, malgré tout. Avec Eden Hazard pour Lukaku. Oui, Lukaku, dos au but et très très bas dans le jeu. Avec Hazard encore qui va chercher le flanc droit de Carrasco. Très bonne amortie de Carrasco. Le centre maintenant, ça va être trop fort pour Hazard. Non, il faut s'appliquer quand même sur ce genre de ballon. Meunier a demandé des doublements. Ah oui, ben, soit il donne à Meunier qui est à sa droite, soit il s'applique sur le centre. Mais là, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Et donc, encore une occasion perdue. 67% de possession de balle, ça n'arrête pas d'augmenter pour la Belgique. Oui, mais toujours pas d'essai cadré et a fortiori de but. Comme notre rythme cardiaque d'ailleurs. Oui, aussi. Entrée de touche pour Coleman. Et là, il y avait vraiment beaucoup à jouer. Mais c'est là qu'on voit évidemment le manque d'automatisme. Hein. Ils n'ont jamais joué ensemble, Meunier et Carrasco, avec Dembélé. Là, pas de faute. Ah, il l'a commise. Ouais. Ouais, sur le petit Houlahan. Et donc cette fois-ci, coup franc sur l'Irlande. Pour l'Irlande, la faute donc sur Houlahan, le joueur de Norwich, celui qui présente évidemment la plus grande qualité technique de l'équipe. 34 ans déjà, on l'a dit, c'est une équipe globalement assez vieillissante, sans génie particulier, et qui pour l'instant eh bien, essaye surtout de contrôler les débats. McCarthy un petit peu en retrait là-bas. Et on revient tout derrière chez John Oshie. Le public irlandais se réveille. À nouveau Jeff Hendrick au ballon dans le rond central. On va un petit peu combiner avec Clark. Clark pour Oshie. 0-0, 27 minutes de jeu. Et du soleil, on nous avait annoncé peut-être un peu d'orage. Ce n'est pas le cas pour l'instant sur Bordeaux. Non, croisons les doigts pour que cela dure. La balle remise encore chez Oshie. qui tente la longue balle pour ne pas changer vers Long, devancé de la tête par Vermaelen. Attention à Ulan qui a suivi le mouvement, mais il y a un retour de Dembélé et finalement un grand coup de botte d'Alderweireld vers Lukaku, un drapeau qui s'est instantanément levé. Ouais, pour une faute à mon avis de Lukaku commise de Lukaku, sur John Oshie, alors qu'il y a quelques explications là entre Diable. Pour l'instant, on ne trouve pas la solution. Hein. 28 minutes de jeu, toujours 0-0. Ouais, c'était une très légère position de hors-jeu sur ce dégagement, la d'Alderweireld. Et donc une récupération de la défense irlandaise là maintenant, avec Clark. Clark encore, peut-être pour joindre Brady, qui joue la déviation pour Long, qui talonne, mais à nouveau le drapeau, cette fois-ci de l'autre côté, qui s'était levé pour le hors-jeu irlandais. On voit quand même sur ce genre de course qu'Alderweireld n'est pas le plus rapide de la planète foot, hein, parce que Long lui avait pris quand même 2-3 mètres là. Ouais. Alors c'est Toby Alderweireld qui va. Et c'était d'une pointure en plus le hors-jeu. Dégager ce coup franc en retrait pour Thibaut Courtois. 0-0. Allez, on a la possession, mais le rythme retombe quand même solidement. Toujours des difficultés à changer de rythme. Allez, là, il y a une bonne remise de Lukaku. Peut-être De Bruyne peut-il tirer de cet endroit-là. Il le fait. Eh bien voilà, au moins, c'est un tir cadré, capté par Darren Randolph. Il a déjà envoyé de plus belles mines que celle-là, Kevin De Bruyne, mais elle avait le mérite d'exister. Espérons que ça sonne quand même un petit peu la révolte, parce qu'on joue trop de façon constante, du point de vue du rythme, et on n'arrive pas à produire ces accélérations qui déstabilise la défense d'en face. Oui, avec un mauvais dégagement de Randolph à tout profit pour Vertonghen. Et cette caméra qui est incroyable, suspendue à une nacelle qui parcourt toute la largeur du terrain, la longueur plus exactement. Entrée touche de Jan Vertonghen, 0-0, 29 minutes de jeu. Et donc, vous l'avez dit, premier tir cadré il y a quelques instants pour les Belges. Et pour De Bruyne, avec Oshie qui tente d'aller récupérer là-bas le ballon, il n'y arrive pas. Il y a évidemment parfois, par moment, un jeu assez rustre, au propre qu'on figurait, de la part, voire frustre de la part des Irlandais. À nous d'en profiter. Ben oui, parce que franchement, il n'y a aucune tentative de combinaison. Dès qu'un défenseur a la balle, il tente de s'en débarrasser le plus vite possible, en la tapant le plus loin possible aussi, en espérant que Shane Long soit dans les parages. Parfois ça marche, souvent ça ne marche pas. Oshie encore pour le dégagement, ballon récupéré par Hazard. Il y a le démarquage de De Bruyne et de Carrasco. De Bruyne qui va trouver Meunier qui tentait la reprise instantanée, là, qui est passé à côté du but de Randolph dans le filet latéral. Il a essayé son fameux extérieur du pied droit. Ouais. Mais là, le problème c'est qu'il est un petit peu décalé là. Il a loupé sa reprise, je pense. Et dommage. C'est un tir qui n'inquiète absolument pas Darren Randolph, qui va pouvoir se dégager maintenant. On est quasiment à la demi-heure de jeu. 0-0. Et un match quand même compliqué pour les Belges, qui ne trouvent pas la solution aux abords du grand rectangle. Ça devient de plus en plus stressant, ce but qui ne tombe pas là, avec le long dégagement. Meunier, grand coup de botte peut-être pour Lukaku. Oh là là, mauvais timing de Lukaku qui ne parvient pas à toucher la balle. Il est un petit peu bousculé, le ballon n'est pas sorti, il est récupéré par l'Irlande, une demi-heure de jeu 0-0, et longue relance maintenant, mais on ne cherche même pas à la soigner, cette relance irlandaise, c'est Alderweireld qui a récupéré. Il faut dire que Witsel avait légèrement, mais suffisamment dévié le ballon, avec Thomas Meunier, il n'a pas intérêt à perdre ce ballon là, mais il va le perdre. Il le perd. Il le perd, il le récupère, et il va le transmettre tout derrière. À Courtois, il y a de la fébrilité, je n'en démords pas, dans les rangs des Diables. Ah, nous ne sommes pas souverains. Ah non, on n'est pas sereins. Ni sereins non plus. Ouais. Avec Vermaelen, c'est quand même des garçons qui jouent au plus haut niveau, dans les grands clubs. C'est étonnant, cette crispation, parce qu'on avait suffisamment dit que ce stress-là qu'on avait constaté dans les premiers matchs au Brésil n'aurait plus de raison d'être ici, avec 2 ans d'expérience en plus et un statut maintenant qui a augmenté. Eh bien, on a l'impression pourtant que ça n'a pas tellement évolué de ce côté-là. Vermaelen encore avec Witsel. Pressing là d'un Irlandais qui venait tout près de lui. Une longue balle en retrait vers Thibaut Courtois, le canari de service, là tout en jaune avec le long dégagement. Lukaku qui est encore devancé de la tête. Il n'a quand même pas gagné beaucoup de duels. Non. Nous sommes sur la droite là avec Hendrick. Duel avec Witsel. Witsel encore qui commet la faute. Ouais, faute du joueur du Zénith. Coup franc pour les Irlandais. Et Hendrick qui demande une carte. C'est quand même un comble. Alors que les Irlandais n'en ont pas encore pris de carte. 0-0, 32e minute de jeu. Et coup franc pour Wes Hoolahan, l'auteur du but face à la Suède. Ouais, c'est quand même toujours pas beaucoup plus convaincu par Lukaku que lors du match initial. On va voir ce qu'il va proposer dans ce troisième quart d'heure. Mais d'abord le coup franc pour l'Irlande, donc qui va partir de la droite avec, vous l'avez dit, Wes Houlahan. Et une fois n'est pas coutume, 4-5 Irlandais près de notre grand rectangle, dont Oshie évidemment le plus grand. Ce sera d'abord la tête de Clark. Une reprise qui passe nettement à côté du but de Courtois sans aucun danger. Ouais, on va pouvoir se redégager maintenant. Quand même pas eu beaucoup d'occasions pour les Belges dans ces 32 premières minutes. Même si on répète, on domine largement le débat en termes de possession de balle. Il y a déjà eu 160 passes. C'est le double des Irlandais, 80. Mais il faut des passes décisives. Oui, et je ne pense effectivement pas que pour l'instant ce match récoltera les 6 étoiles dans le journal de l'équipe qui cote la qualité des rencontres. Ça avait été le score entre guillemets Belgique-Italie. Attention là à cette conduite de balle et cette remontée sur la droite de Hendrick. Finalement on a pu se dégager avec Hazard qui peut profiter de la contre-attaque parce qu'il y a des espaces, on aime bien ça. La remise à De Bruyne, il faut tirer la De Bruyne, non, il rend à Hazard du côté Lukaku gauche du grand rectangle. Lukaku est tout seul, il est surmonté. C'est pas vrai. Il est surmonté. C'est sur ce genre de phase là qu'on doit faire la différence. Ah oui, mais le centre d'Hazard n'est pas bon. Ah non, il n'est pas bon. Là on peut pas reprocher quelque chose à Lukaku, le centre est mal calibré. Hazard, c'est quand même pas la première fois qu'il a pas la bonne appréciation dans ce match, alors que je suis un peu réconforté par mon collègue de la VRT, parce qu'on s'énerve, hein, Manu, on va pas le cacher à nos auditeurs, c'est stressant. Hein. Et quoi, lui, il n'est pas stressé. Mais il a l'air moins stressé que nous. Et ben, je n'arrive pas à avoir ce détachement, peut-être... Brechtien, cette distanciation. Exactement, la distanciation brechtienne. Je n'avais pas prévu qu'on en parle cet après-midi, mais si vous voulez, on en dissertera à la mi-temps. La balle qui va être remise au diable, là, puisqu'il y avait eu une faute sur Witzel dans un duel avec Long. Alors la balle est rendue par Vertonghen à Carrasco qui est sur le flanc gauche. Hazard est passé sur la droite. Il y a de temps en temps des permutations de ce côté-là. Et revoici Carrasco en action. De Bruyne qui est mieux dans cette position-là. Un peu il préfère. En meneur de jeu avec Vertonghen qui hésite. Donne ce ballon à Witzel. 34e minute 0-0. Dembélé pour Hazard qui rentre dans le jeu. Hazard est des... ouais, mais Hazard ça ne va pas. Encore une mauvaise passe envers De Bruyne. Pourtant ils essayent de combiner tous les deux. On a quand même vu à plusieurs reprises depuis l'entame de cette rencontre. Avec un ballon ici sur la gauche pour Houlahan. Et Houlahan qui s'en sort bien, deux Belges autour de lui vers Long. Oui, mais là Long, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire tout seul. Il dévie juste pour Meunier qui revenait comme un bulldozer et qui a rendu la balle en retrait à Courtois. Relance avec Vermaelen. Vertonghen à gauche, il a Carrasco devant lui, toujours sur ce flanc-là. Carrasco face à Hendrick, il donne la balle à Dembélé. Dembélé qui tente d'accélérer le jeu en s'appuyant sur Hazard. Ah oui, et De Bruyne tourne autour de lui-même, il constate qu'il n'y a personne à droite. La Meunier aurait dû quand même un peu avancer. Il le fait maintenant, Meunier avec Hazard dans le couloir droit toujours. Hazard, deux Irlandais face à lui. Il protège son ballon, il essaye de le remettre en retrait à Meunier. Et à ce moment-là, Brady met dehors. Le ballon revient chez Meunier avec la rentrée de touche de Hazard. Thomas Meunier qui avance un petit peu, prend appui sur Dembélé. Dembélé vers Hazard sur la droite, 0-0, 35 minutes. Hazard, ça c'est pas mal. Thomas Meunier l'a centré, il le fait, il est contré, coup de coin. Meunier se débrouille plutôt bien pour un novice. Troisième corner pour la Belgique. Il fait ce qu'on attend de lui, effectivement, avec une présence offensive, là, même une tentative au but tout à l'heure, même si elle n'était pas tout à fait réussie. Troisième corner, le deuxième donné sur la droite, alors que Robbie Brady, ça fait un petit peu mal là, sur son intervention. Voilà, on vient aux nouvelles, c'est le gardien qui vient aux nouvelles de son défenseur, qui est aujourd'hui un médian. Et De Bruyne va aller donner le troisième corner de la Belgique. De la droite, 36e minute 0-0. Et si c'était maintenant? Alors, De Bruyne lève le bras. Allez, celui-là est mieux donné. La reprise, non, ça passe à côté. C'est une reprise de Meunier, je crois. Oui, c'était Meunier qui était là pour cette tentative. Le prochain corner, j'essayerai de le dire moi. On verra si ça change quelque chose. Donc, Meunier qui a... Oui, ce qui était là pour tenter sa chance aussi, comme il l'avait fait déjà tout à l'heure. Ils étaient plusieurs à se jeter, mais c'est bel et bien Meunier qui a touché le ballon. Et le coup de pied de but pour Darren Randolph. Alors que Mark Wilmots fait les 100 pas, là, comme un lion en cage, avec un air assez interdit, on va dire. Il préférait évidemment voir son équipe ouvrir le score avant la pause. Lukaku qui protège un ballon et qui se retourne. Oui, il glisse après Lukaku. Oh là. Oh là là, il le perd. Tout ça est laborieux. C'est un Lukaku emprunté. Dembélé, Witzel et on trouve De Bruyne à droite. De Bruyne. Alors De Bruyne, petit ballon sauté. Alors, dans un instant, nous retrouverons nos envoyés spéciaux Thierry Luthers, Manuel Jousse. 36 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la Belgique et l'Irlande. Je vous rappelle cette émission spéciale Bleu, Blanc, Diable, émission spéciale Diable Rouge jusqu'à 18h30 hein, sur Vivacité, vivacité.be, le site sport de l'RTBF. Toute l'équipe de Complètement Foot suit ici en direct de Toulouse, Pascal Chimé, Benjamin Niquet, cette rencontre et cette première mi-temps dans les prochaines minutes. Donc bien sûr, le débriefing, et puis on va retrouver dans quelques instants Thierry Luthers, Manuel Jousse pour la suite des commentaires de ce match. Ne bougez pas. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Mmh. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sud-Presse. Chérie, en 10 lettres, expérience mode unique à proximité. En 10 lettres ? Facile, point carré. Les meilleures marques sélectionnées pour nous. Un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, et ben allons vivre une expérience unique chez point carré. Plus d'infos sur pointcarré.eu. Le Festival de Dour, un des plus grands festivals d'Europe, revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative avec des noms mythiques et des sons de demain. Dana Kill, The Prodigy, Sigur Rós, Wiz Khalifa, Pixies et bien d'autres encore. Dour Festival, du 13 au 17 juillet. Plus d'infos, dourfestival.be. Avec le soutien de Vivacité et La 2. Autre Terre et Vivacité présente la 52e Brocante Terre. Venez nous rejoindre le vendredi 24 juin à partir de 18h à la Brocante Nocturne animée par Radio Bistrot. Le samedi 25 juin dès 8h du matin, rendez-vous à la Grande Brocante pour chiner parmi plus de 500 exposants. Tous les bénéfices financent des projets de développement. La Brocante Terre, c'est dans le zoning des Haussar-Herstal et sur brocanteterre.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal-Autriche, à suivre en direct ce samedi soir sur La 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité et La Une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le festival liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Coron-Meuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. Ça va swinguer à Visé. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasiné à Visé ce week-end. Avec qui a donné ? La parfumerie Eve et la papeterie Wagelmans à Visé. Bleu, blanc, diable. Vivacité. Belgique, Irlande, 0-0, 40 minutes de jeu. Quelques soucis pour retourner au stade de Bordeaux, retrouver nos envoyés spéciaux Thierry Luthers, Manuel Jousse, dès que possible. Ils vont vous commenter la suite de ce match. Rapidement ici en Toulouse, en direct avec toute l'équipe de Complètement Foot. Un avis sur cette première mi-temps, Benjamin Niquet, Pascal Chimé. Une bonne première mi-temps, et là on voit les Belges qui sont en train d'être sur un point de rupture, parce que les Irlandais sont fatigués et il est temps que la mi-temps s'achève pour eux. Donc je pense que les Belges doivent accélérer durant ces 5 dernières minutes. Pour l'ensemble de la rencontre, à mon avis, il n'y a que les Belges qui peuvent gagner ou perdre ce match. Pascal ? Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas créé une seule véritable occasion de but. En 40 minutes, on a certes 65% de position de balle. On a essayé de trouver les décalages, on a essayé de trouver les espaces libres. Pas assez à mon goût, mais on ne s'est surtout pas créé une seule possibilité réelle de but. Oui, il y a eu une tête d'Alderweireld, il y a eu un but annulé, enfin il n'est même pas annulé parce que l'arbitre avait sifflé avant pour position de hors-jeu, mais on doit trouver les clés de cette rencontre et on doit accélérer, faire mal à cette défense. Ils défendent avec 4 joueurs très très bas, 3 juste devant et 2 qui occupent l'axe, et donc il y a beaucoup de densité de joueurs dans l'axe de ce terrain. Il faut essayer de chercher soit un long ballon pour surpasser cette défense et aller chercher un latéral qui dédouble, soit il faut essayer d'être imprévisible. Pascal, les phases arrêtées, on en a eu quelques-unes, ouais. On est seulement dangereux sur celle-ci, hein. Corner de Kevin De Bruyne sauvé sur la ligne par un défenseur irlandais. Oui, et on constate chaque fois que c'est pas sur une déviation qu'on est dangereux. Aussi, il y a eu celle d'Alderweireld, mais il y a pas réellement de déviation sur les phases arrêtées avec frappe en première intention, comme ce fut le cas maintenant de De Bruyne. Là, on a été dangereux. Honnêtement, c'est une équipe qui ne doit pas faire peur à la Belgique en deuxième mi-temps. Il faudra aller trouver ce but. 0-0 toujours entre la Belgique et l'Irlande. 42 minutes de jeu. Dès que possible, nous retrouvons nos envoyés spéciaux en direct du stade de Bordeaux. Thierry Luthers, Manuel Jouz, Benjamin. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a que la Belgique. C'est la Belgique qui va gagner ce match ou le perdre, parce que pour l'instant, les Irlandais n'ont pas été dangereux. Quelques approximations au niveau de la défense belge. S'ils ne font pas d'erreur derrière, le verrou va sauter à un moment donné, comme on l'a vu durant cet euro. S'ils continuent à pilonner comme ça cette défense, elle va craquer, elle va lâcher, comme les Français ont pu le faire, comme les Italiens ont pu le faire, comme les Espagnols ont pu le faire en fin de rencontre. Donc c'est un travail de sape à faire. C'est vrai que Pascal soulève le manque d'occasion nette, mais c'est pas trop grave en soi, parce que comme je dis, ils sont en train vraiment de pilonner et cette équipe va craquer. Thierry, Manu parlait de fébrilité, vous les avez sentis fébriles, les Diables ? Je les ai pas sentis fébriles, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même qui se cachent un petit peu et qui ne tentent pas certains gestes. J'ai bien aimé, moi, le début de match de Dembélé, par exemple, avec une belle prise de responsabilité. À un moment, il a pris le ballon, il a perforé toute cette défense, ce milieu de terrain et cette défense irlandaise. Après, Meunier, belle. Oui, Pascal, je vous interromps. Benjamin, on revient au stade de Bordeaux. Thierry Luthers, Manuel Jouz. Et donc cette terrible occasion pour les Belges avec le coup de coin et le sauvetage sur la ligne de Haaland après la tête d'Alderweireld, alors qu'il y a une carte jaune pour Jeff Hendrick du côté irlandais. J'espère que ça va tenir techniquement, alors qu'on est quasiment à la fin de cette première période. Il reste une minute. Oui, il reste une minute. Il y a encore la place pour aller mettre ce petit but avant le retour au vestiaire, parce qu'on met une grosse pression. Là, il y a eu une autre tentative aussi suite à cette tête d'Alderweireld. Fait le siège là, de ce but irlandais à partir du flanc gauche. Carrasco, Vertonghen, Lukaku au petit rectangle. Alors, ils ne savent plus où encore ils sont, là, les Irlandais. Encore un corner, ça doit être le cinquième ou le quatrième là, qui va être tiré de la gauche cette fois-ci. Cinquième. Kevin De Bruyne, de ce côté-là, il avait été très dangereux tout à l'heure lors de son premier botté de corner avec la reprise de la tête d'Alderweireld. On va voir ce que ça va donner ici, alors qu'il reste 30 secondes. De Bruyne, Witzel au premier poteau. La déviation, mais prise de balle sans problème du gardien. La combinaison répétée à l'entraînement. On va chercher Witzel en première zone. Et là, évidemment, Randolph prend tout son temps. Premier objectif pour les Irlandais. Atteindre la mi-temps sans avoir encaissé de but. Alors, le dégagement maintenant de Randolph avec Long. Il y a une faute là. Il peut sortir un petit carton aussi, hein, parce que Carrasco a pris un fameux coup là, à mon avis. Il appelle le joueur, mais il ne va pas le pénaliser. Monsieur Chakir. Oui, qui a sorti donc une carte à Jeff Hendrick dans cette première mi-temps. Bah, il y en a eu des fautes irlandaises, et j'ai l'impression qu'elles sont en train de se multiplier. Ah ben on siffle carrément la mi-temps, tiens. Je n'avais pas vu le temps complémentaire, mais donc ouais, ça s'achève vraiment en queue de poisson là, avec cette faute sur Carrasco. Le jeu ne reprendra pas et on va ainsi nous laisser à notre stress et nos interrogations pendant un quart d'heure jusqu'à la seconde période. Alors qu'il y a, pour la petite histoire, 39 493 spectateurs, le stade n'est pas tout à fait comblé tout de suite. À tout de suite, Thierry Luters, Manuel Jousse, donc au stade de Bordeaux, pour vous commenter en direct en intégralité. Désolé hein, pour ces petits soucis. On sera évidemment en poste dans un instant pour la suite de cette émission Bleu, Blanc, Diable, avec ici à Toulouse Pascal Chimet, avec Benjamin Niquez, qui reviendront dans un instant pour débriefer donc complètement, même si on a commencé à le faire, les 45 premières minutes. À tout de suite. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce samedi, Albanie-Suisse, Pays de Galles, Slovaquie et Angleterre-Russie. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 19h, en direct de Lens avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu blanc diable. Avec voyage-sncf.com, l'office du tourisme de Lens et destination touristique autour du Louvre-Lens. Les émissions, les journaux, les dernières infos de votre région, le cactus, les enfants de cœur, les invités, le 8-9, le meilleur de Vivacité, à volonté, en son et en images, et sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente le jogging 10 km des grottes organisé par l'association Justine for Kids. Trois distances cette année, 5, 10 et en trail de 20 km. Le 26 juin à Ans-sur-Lesse, découvrez avec Justine Hénin ses parcours uniques avec le dernier kilomètre dans les grottes. Venez en famille, il y a de nombreuses animations pour enfants. Info sur 10kmdesgrottes.be. Ils se sont donné une mission, foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme, leur passion. Comme eux, forme-toi un métier en alternance. Rendez-vous le 22 juin lors de la journée porte ouverte IFAPME. Toi aussi, passe à l'action. Plus d'infos sur ifapme.be. Avec le soutien de l'Union européenne et de la Wallonie. Ce samedi, le magazine Victoire fait le plein de soleil et de vitamines. Benjamin Biolay raconte son Buenos Aires, la rédaction partage ses meilleurs plans pour l'été et vous emmène en régate sur un voilier. Vive les vacances actives. Victoire, ce week-end avec le soir, demandez-le à votre libraire. Jusqu'à 18h30 sur Vivacité, l'équipe de Complètement Foot vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Pour rappel, nous sommes à la mi-temps de ce match Belgique-Irlande 0-0. On retrouvera donc Thierry Luters, Manuel Jousse à la mi-temps pour le commentaire de cette deuxième mi-temps dans un instant, tout au long de cet après-midi, de cet après-midi spécial Diable Rouge 070-246-045. Vos avis, bien sûr, vous allez débriefer ce match avec nous en direct de Toulouse, l'équipe de Complètement Foot, Benjamin Niquez, Pascal Chimet. Vos SMS 30-63, 50 centimes l'envoi, hashtag c'est foot RTBF. N'oubliez pas la page Facebook de l'émission Complètement Foot-Vivacité RTBF. Comme d'habitude, débriefing à la mi-temps, vos avis sur ces 45 premières minutes. Pendant la coupure, on a commencé un petit peu, donc grosse domination, surtout territoriale, dans la possession également, mais un petit peu stérile malgré tout, parce que oui, on a joué dans le camp de l'adversaire, mais on ne l'a pas acculé, on a essayé tant bien que mal de trouver les espaces libres, mais ces espaces, il faut les occuper aussi, il faut donner de la vitesse pour pouvoir surprendre l'adversaire. Donc là, on ne l'a que très rarement fait, on ne s'est quasiment pas créé de possibilités, oui, une seule réelle sur l'ensemble de ces 45 minutes, donc c'est clairement insuffisant pour l'instant, mais un tiers des buts durant cet euro ont été inscrits en fin de match. Donc il faut être patient, j'ai l'impression, Benja, tu t'en parlais tout à l'heure, il faudra vraiment continuer comme ça, peut-être donner un peu de vitesse, mais à un moment cette défense va sans doute finir par craquer. On sent plus cette équipe belge concernée et dans son match plus que contre les Italiens. On sent qu'en face il va y avoir à un moment donné une brèche et les défenseurs irlandais vont faire l'erreur et ça va permettre aux Belges de prendre l'avance. Après, une fois que s'ils ont le bonheur de marquer rapidement, les Irlandais vont être obligés de sortir, et s'ils sortent, là les Belges vont les tuer, parce qu'avec la vitesse qu'ils ont et la reconversion rapide, ça va être après une très très bonne chose pour les Belges. Mais il faut absolument marquer ce premier but. Après, j'ai trouvé un De Bruyne bien mieux en jambes que lors du premier match, mais il a fini par s'éteindre après la 30e minute. On l'a un peu moins vu. Un Carrasco aussi qui tente et qui essaye de dynamiser l'attaque. À ce propos-là, alerte du côté d'Yannick Ferrara-Carrasco juste avant la mi-temps. En tout cas, c'est ce qu'on voyait sur les écrans ici de contrôle. Bah ouais, ici, malheureusement, nous, on n'est pas au stade. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est. Mais il a été clairement séché là, à la suite d'un contact en toute fin de première période. Il était soigné, alors que tous les 21 autres joueurs étaient déjà au vestiaire. Donc, j'espère que ce n'est pas trop grave. Par contre, Carrasco, on l'attendait un petit peu plus performant quand même sur cette première mi-temps. Moi, je ne l'ai pas trouvé décevant, mais je trouve qu'il a apporté 2-3 centres, 2-3 passes qui sont intéressantes. Après, Hazard, toujours à son image. Witzel, quelques pertes de balles, pas à son habitude. Et Dembélé qui prend beaucoup de risques. Mais c'est bien finalement qu'il y ait quelqu'un qui aille vers l'avant, mais attention de bien sécuriser pour pas se faire surprendre et faire une erreur, parce qu'il y a eu quelques approximations et quelques dialogues qui n'ont pas dû avoir lieu dans la défense, ce qui a fait que les Irlandais ont pu l'une ou l'autre fois sortir et pourquoi pas inscrire un but qui serait catastrophique pour les Belges. Oui, encore une fois, manque de communication au sein de notre défense. On a vu par deux fois Toby Alderweireld d'avoir 2-3 mètres d'avance par rapport à Shane Long, et c'est Long qui sprint pour avoir le ballon et qui prend un mètre à Alderweireld. Alors, soit Alderweireld a un problème aujourd'hui au niveau de la vivacité et de la vitesse, soit on ne lui parle pas, il n'avait pas vu Shane Long dans son dos, et ça c'est quand même assez interpellant. Il ne faudrait pas non plus qu'on domine de manière stérile sans marquer, et que ces Irlandais sur un contre ou sur une phase arrêtée nous punissent. Le premier débriefing avec Benjamin Niquez, avec Pascal Chimé. C'est la mi-temps donc dans ce match. Pas de but, 0-0 entre la Belgique et l'Irlande. Dans les prochaines minutes, on retrouvera nos envoyés spéciaux Thierry Luters, Manuel Jousse bien sûr, au stade de Bordeaux, pour poursuivre les commentaires de cette rencontre. 30-63, 50 centimes l'envoi, hashtag CFoot RTBF pour vos tweets. Les imprécisions d'Eden Hazard, Manuel et Thierry, quelques parfois agacé par ces imprécisions. Il a commencé le match, je trouve, tout comme De Bruyne d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, on en est toujours là, hein, dans cette équipe, au sein de cette équipe nationale. Quand il y en a un qui performe à un certain niveau, l'autre performe un peu moins bien. Donc on a plus vu De Bruyne aujourd'hui qu'on a vu Eden Hazard. Maintenant, vous savez comment ça se passe, hein. Il suffit d'un éclair de génie et tout le monde sera au diapason et on mettra tout le monde d'accord. Mais à l'image de ce qu'on a vu hier au stade entre Italiens et Suédois, ben, c'est pas grave qu'il y ait des imprécisions tant qu'elles sont dans un domaine offensif et qu'elles sont dans les 20 derniers mètres, puisqu'il faut bien à un moment donné tenter des choses, essayer des centres, des ouvertures, des frappes, et ça c'est pas trop grave. Moi ça me dérange pas que Eden Hazard puisse à un moment donné rater une ouverture ou une passe, puisque de toute façon il faut prendre des risques pour se montrer dangereux et j'espère que ça va pouvoir, mais je suis assez confiant quand même sur la deuxième période. Vos messages 30-63, je le disais, 50 centimes l'envoi, et puis hashtag CFootRTBF, des réactions. Clem qui dit à propos de Dembélé, vous l'avez trouvé comment? Lui dit n'est absolument pas rassurant et quelque peu inutile, hashtag EuroRTBF. Moi je l'ai trouvé bon. Maintenant c'est clair qu'il a un jeu où de temps à autre il prend des risques. Maintenant le problème, on le disait tout à l'heure avant le match, Dembélé et Witzel, oui, vous vous assurez la possession et vous vous assurez de capter, de garder ce ballon. Mais à un moment, il faudra qu'un de ces deux joueurs-là joue la courroie de transmission vers l'avant. Et là, Dembélé, on l'a vu une seule fois sortir du rond central. Il l'a bien fait, mais le problème, c'est qu'après, les autres n'avaient pas suivi. Donc, encore une fois, on parle d'automatisme et aujourd'hui, ça fait cruellement défaut, en tout cas au niveau offensif, dans l'apport que doivent générer justement ces deux joueurs. Thomas Meunier à l'arrière droit, un avis ? Ben, j'ai trouvé qu'il avait fait un match plus que correct. Il a apporté, il a tenté. Il y a même une fois où il a essayé par un extérieur un peu vicieux de surprendre le gardien adverse. Moi je suis pas surpris de sa performance et de son apport offensif. C'est ce qui était recherché de toute façon par le sélectionneur. Alors après, peut-être centrer plus en première intention de la part de tout le monde, d'essayer de mettre ce ballon à chaque fois dans la surface et de pilonner encore et encore, et puis pousser ces Irlandais à la faute comme on l'a vu. Mais comme l'a très bien dit Pascal, on va encore attendre la 87e pour voir non, s'il vous plaît, pour mon petit cœur, s'il vous plaît, Pascal. Mais moi ce qui m'interpelle quand même, c'est que Romelu Lukaku n'a pas été servi une seule fois par ses partenaires. C'est pour ça que je disais que je suis un petit peu J'attendais autre chose de Yannick Carrasco. J'attendais de la percussion, j'attendais des centres. On n'a pas trouvé une seule fois Romelu Lukaku. En plus, on ne l'a pas mis en confiance non plus parce que ses deux premières touches de balle, il est dos au but, il perd le ballon. Après, il s'est refait, il est quasiment en termes de statistiques, il est à dos au but, un ballon perdu sur deux. On sait que ce n'est pas son point fort. Donc, il ne faut pas jouer comme ça. Maintenant, est-ce que Mark Wilmots va procéder à des changements? Est-ce que Carrasco va remonter sur la pelouse? Il y a plein de choses. J'en profite d'ailleurs une dernière chose, parce qu'on nous écoute un peu partout à travers le monde. Mm-hmm. Je voudrais saluer Abdel qui nous écoute en direct de Madère où il est en vacances. Salut Abdel, je l'ai dit, je le répète, hein, vous nous suivez, vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre sur vivacité.be, sur le site sport de la RTBF, avec les commentaires de Thierry Luters, Manuel Jousse pour la deuxième mi-temps de cette rencontre Belgique-Irlande 0-0 à la pause. Quel changement faire? Vous changeriez quelque chose là maintenant tout de suite? On va voir l'état de Yannick Ferreira-Carrasco. Moi, je ferais monter Mertens. Moi, je placerais Batshuayi soit à côté de Lukaku, soit seul en remplacement. Bon, on va voir ça donc dans un instant, bientôt 16h sur Vivacité. Vous entendrez les infos un peu plus tard, hein, bien sûr, le journal de 17h. On va poursuivre cette émission spéciale Bleu, Blanc, Diable, émission spéciale Diable Rouge avec ce match. Deuxième rencontre de cet Euro 2016 pour nos Diables. Toujours pas de but, on croise les doigts pour les 45 prochaines minutes. Et puis on poursuivra cette émission spéciale jusqu'à 18h30 ici en direct avec toute l'équipe de Complètement Foot en direct de Toulouse. Pour rappel, on prendra la direction de Nice hein, dès demain. On aura l'occasion de vous en reparler. On se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps de ce match. À tout de suite. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Avec nous, l'Euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. 5 secondes, ce n'est pas assez? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Tu sais toi comment on appelle les habitants de Blégny? Les Blégniens, les Blégnésiens. Bienvenue à Blégny, journée d'information ce dimanche 19 juin. Venez découvrir notre nouveau projet d'habitation situé en plein cœur de Blégny. Chez Matexi, la qualité de chaque habitation se retrouve aussi dans la convivialité de son quartier. Vous recevez tellement plus pour votre budget. Plus d'infos au 04 361 1804 ou sur matexi.be. Rendez-vous ce dimanche 19 juin de 14h à 18h, rue de l'Égalité à Blégny. C'est les Blégny, toi! Matexi, bienvenue chez vous. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes? Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Jusqu'à 18h30 sur Vivacité, l'UEFA Euro 2016. La suite de cette émission spéciale Diable Rouge. On retourne à Bordeaux pour la deuxième mi-temps de ce Belgique-Irlande. Thierry Luters, Manuel Jousse. Oui, ouais, où un changement se prépare puisque Dries Mertens s'est échauffé pendant toute l'interruption avec Mario Inorato. On a vu aussi Manu que Carrasco boitillait. Hein. Oui, oui, c'est assez logique hein, le changement qui se prépare là parce qu'il a été victime là, d'une vraie agression en fin de première mi-temps. Et c'est à ce moment-là qu'on a sifflé d'ailleurs la mi-temps. Donc Carrasco sans doute remplacé là, par Mertens qui s'échauffe en compagnie de Batshuayi également. Alors va-t-il quand même reprendre? Oui, il est quand même là Carrasco. Ah, donc, là, ouais. Mertens, ce sera finalement pour un petit peu plus tard. Parce que quand on l'a vu là, rester assez longtemps sur la pelouse et difficilement sortir, escorté par le staff médical, on ne pensait pas nécessairement qu'il remonterait. Il est quand même bel et bien là, Yannick Carrasco, qui cela dit, même avant cette faute, était peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui. Alors, je rappelle que la Belgique a eu 5 corners, 65% de possession de balle, 222 passes réussies sur 239. Mais malgré cela, ça n'a pas suffi. Les Irlandais, eux, évidemment, ont eu deux corners, beaucoup moins de possession de balle et de passes réussies. Notez que dans les essais cadrés du côté belge, il y en a eu 2 sur 9 Et du côté irlandais, 1 sur 2, c'est le fameux ballon qu'a dû déloger de sa lucarne Thibaut Courtois. Voilà, effectivement, alors que c'est du 100%, sans faute pour Axel Witsel, qui a réussi toutes ses passes et qu'au niveau collectif de l'équipe, on en est à 92% de passes réussies. Donc c'est pas mal, on joue de façon précise, mais il manque les ballons de finition, bien entendu, qui sont les plus importants. La balle est remise en jeu pour cette deuxième mi-temps avec une première longue ouverture, enfin longue, c'est même inutile de le dire parce qu'elles le sont systématiquement, de Coleman vers Shane Long, et une récupération de Meunier qui n'a pas été mauvais lui en première mi-temps sur la droite, et là il suffit de le dire pour qu'il perde le ballon. Ouais, dans ce duel là-bas avec Robbie Brady, avec il est inattentif là, Meunier, le ballon, ça va être dégagé par Vermaelen pour Dembélé, ils ne sont pas très dangereux évidemment. Dembélé, si lui aussi commence à perdre des ballons, c'est un peu plus inquiétant. Avec Hendrick, qui a donc été averti, on le rappelle, en première période. Jeff Hendrick avec Houlahan qui centre, avec une intervention là-bas du pied gauche de Vertonghen vers Carrasco. Oui, Carrasco qui est au duel là-bas, qui essaye de le remporter en s'exilant sur le plan droit. Oui. Ah non, il ne siffle pas. Non, mais... Comme quoi, ce monsieur Chakir, là, il laisse absolument tout faire. Et donc, la balle est redevenue propriété de l'Irlande. Elle est perdue. Et là, il siffle la faute, mais pour l'Irlande. Il n'est pas conséquent. Bon, c'est un duel assez similaire, me semble-t-il. Coup franc pour les Irlandais. 1 minute et 15 secondes en seconde période. 0-0. Et on l'a dit, donc, un petit peu moins de 40 000 spectateurs ici à Bordeaux. Et le stade n'est pas comble. Regardez en face, là, il y a encore beaucoup de sièges vides. Ne serait-ce pas les VIP là. Ah oui, dans la catégorie 1, là, en face, en effet, il y a encore un peu de place. 145 euros. Exactement, pour le premier tour. Le coup franc donc de Robbie Brady dans quelques instants, partant du flanc gauche. Voilà le ballon de Brady. Attention à la tête de Long. Ils s'y sont mis à deux d'ailleurs pour essayer de le contrer avec Alderweireld et Vermaelen. Long est toujours au sol. Déviation de la tête de Meunier. Oui, mais on n'y arrive pas pour l'instant et la balle traîne toujours dans notre rectangle. Ça, je n'aime pas. Hein. Lukaku. Lukaku allait donner le ballon à De Bruyne. Voilà qui est fait. De Bruyne qui franchit la ligne médiane, mais il y a beaucoup de maillots blancs. Hein. Ouais, et il y a un appel de Carrasco et peut-être de Lukaku qui reçoit le ballon là en position idéale. Il va frapper Lukaku. Le but ! Ça y est, Romelu Lukaku, 1-0. 47 minutes, l'ouverture du score. Romelu Lukaku servi dans sa position idéale et privilégiée. Il avait de l'espace devant lui. Et là, il ne rate pas. Wow. Il l'a fait, mon petit Romelu. Enfin, ah oui, ça y est, la libération. Regardez les scènes de joie là autour de Mark Wilmot, c'est tous les réservistes, Fellaini et les autres, tout le monde se jette là dans les bras de Lukaku. Eh oui. Qui a inscrit son but. Eh oui, il vient de loin. Hein. Son 16e but sur Mathias contre le Luxembourg. Et on le maintient. Et bien voilà, la Belgique qui ouvre le score à la 48e minute. Et ça, évidemment, ça va obliger les Irlandais à sortir. Malheureusement, il y a un fumigène là. Il faudrait quand même l'enlever, ne pas se la jouer croate. Et donc Romelu Lukaku retrouve le chemin défilé. Il avait marqué 4 fois en 4 matchs. Il était resté muet face à l'Italie. Et là, de son pied gauche, une belle frappe enroulée qui ne laisse aucune chance à Randolph. Ouais, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Il peut venir de loin. Il y a une balle qui arrive dans sa foulée. Il ne calcule pas. Il va chercher le coin gauche du but. Ah oui, il se jette dans les bras de Mark Wilmot, qui lui a maintenu sa confiance malgré toutes les critiques qui s'étaient abattues sur lui lors de son match contre l'Italie. Il n'avait pas été terrible du tout en première mi-temps et avait reçu en plus peu de ballons exploitables. Et là, eh oui, sur une phase de reconversion, à partir du moment où on a des espaces qui se libèrent, là on est dangereux. Quand nous sommes dans des phases de possession et qu'on doit décapsuler une défense, c'est plus dur. Tout va devenir plus facile maintenant, on en prend le pari. Allez, Witsel, il y aura des espaces évidemment. Hazard sur la gauche, Hazard... Alors l'arbitre pique un sprint, là, le ballon revient chez De Bruyne. De Bruyne, non, il a voulu en faire trop, tout son petit crochet, mais malheureusement, là, il a glissé. Mais De Bruyne était à la base de l'action, hein, de reconversion, il faut le dire aussi, il faut le souligner. Et donc, les deux décevants, il y a le faux de Vermaelen, les deux décevants, si j'ose dire, il va prendre un carton, Vermaelen. Ouais, stupide, il a dégagé le ballon. Hein. Donc j'essayais de dire que les deux garçons qui avaient un petit peu déçu, De Bruyne et Lukaku, sont appliqués dans ce but. Voilà, et qui partaient de loin, hein, puisque souvenez-vous, on était dans notre grand rectangle, on n'arrivait pas d'ailleurs à en sortir facilement, et puis la reconversion s'est opérée sur la droite assez rapidement. De Bruyne a évidemment une part importante de mérite dans la confection de ce but aussi, avec Carrasco, et puis à la conclusion donc, Romelu Lukaku. Pour redonner confiance à toute une équipe et à tout un peuple, parce que je ne vous cache pas qu'on commençait quand même un petit peu à douter ici et à stresser avec tous ces buts qui tombent dans les dernières minutes à l'Euro. Au moins aussi, ici, on y est parvenu plus tôt. Alors, entrée de touche pour Brady, pour l'Irlande, qui forcément va devoir un peu se découvrir. Ce sera à nous, vous l'avez dit, d'en profiter. Les espaces, il y en aura. Oshie, où il montre les grands signes pour que son bloc évolue un peu plus haut. Alors, les Irlandais au ballon avec le petit Houlahan là-bas sur la gauche pour Brady. Attention, il y a un très bon centre. Et c'est directement dans les bras de Courtois qui peut relancer vers son équipier Eden Hazard. Et donc ça fait bien longtemps que c'était plus arrivé. Nous menons au score plutôt qu'être mené. Hein. C'est une position autrement plus confortable avec Hazard. Mais décidément, tout le monde glisse ici. C'est incompréhensible. Hazard encore, mais là il parvient à bien trouver Kevin De Bruyne dans le grand rectangle. Mais non, personne. Et du coup De Bruyne doit jouer en retrait pour Vertonghen qui peut centrer. Non, il joue en retrait lui aussi. 50 minutes. 1-0. 1-0. Les Belges ont enfin marqué pour la première fois donc depuis 2000, le 17 juin. Le but d'Emile Mpenza. Ce sera donc Romelu Lukaku, un autre représentant de la fratrie. Et là, De Bruyne perd encore un ballon un peu trop facilement à mon goût. Récupération néanmoins de Alderweireld pour Witzel. Witzel qui sort du rond central et il fait signe à Meunier d'un petit peu avancer, mais il combine de façon axiale avec Hazard qui va chercher le flanc gauche. Carrasco, vous voyez le bloc des supporters belges, c'est du délire avec des grands drapeaux tricolores qui se déploient. Carrasco encore à gauche. Remise dans les pieds de Witzel avec un Irlandais là qui le scotch, un Glenn Whelan. De Bruyne à présent qui tente le centre, c'est pas précis. Non, c'est tout à fait imprécis. Ça va, le deuxième ballon, revenir chez Dembélé. Toujours 1-0. Vertonghen pour Carrasco. Allez, une petite action là de Yannick. Carrasco qui continue. Carrasco encore, il donne le ballon. C'est très apprécié aussi à Witzel. Là. Il le donne directement chez Brady. Il n'est pas très bon, hein, Carrasco. Non, franchement, c'est pas du grand Carrasco là. Et c'est une balle de contre-attaque pour Brady. Il est un des joueurs les plus dangereux en Irlande en plus. Nous sommes avec Whelan maintenant qui va tenter sa chance. Ballon a été contré. Tentative d'intervention un peu désespérée de Courtois qui n'y arrive pas. Et la balle sort en corner. J'ai envie de dire que c'est un corner parfaitement évitable. Alors que Thomas Meunier, là, une explication avec Axel Witzel. Mais tout part d'une perte de balle de Carrasco. Hein. Ben oui. Alors les Irlandais, ce qui est étonnant, ils n'ont pas l'air pressés non plus d'aller le donner là. Non, ils ne sont pressés de rien, visiblement, dans ce match. Savent-ils qu'ils sont menés? Alors, c'est Jeff qui va aller tirer ça. Il n'était pas tout seul, hein? Mais non. Jeff Hendrick qui va aller le donner 1-0. Donc, après 52 minutes, est-ce qu'on a fait le plus dur? J'ose l'espérer. Eh bien, j'ose l'espérer également. Hein. On n'imagine pas maintenant qu'on soit rejoint au score et qu'il faille encore repartir de l'avant. Allez, Hendrick qui donne le corner avec une belle déviation, un beau dégagement de la tête de Vertonghen vers le rond central de récupération de James McCarthy qui va ouvrir sur la droite dans les pieds de Whelan qui tente la combinaison avec le petit Houlahan. Whelan encore, le centre est intercepté par Witzel, très précis. Allez. Relance axiale pour Carrasco qui accélère. Et avec un appel de balle de Lukaku, mais Carrasco il va s'en ferrer là-bas. Ça ne va pas Carrasco. Non, il faut le remplacer. Hein. Moi je lance Dries Mertens immédiatement. Carrasco est allé commettre la faute de frustration dans la foulée là-bas. Marc Wilmot se retourne vers son banc. Alors il y a qui s'échauffe là? Alors il y a toujours il y a Benteke aussi, il y a De Neyer. Il y a Mertens, vous ne le voyez pas. Bien entendu. Ouais. Et lui il s'est échauffé pendant toute la mi-temps. Alors, on connaît le scénario du Mertens qui monte à l'heure de jeu, donc ça va bientôt arriver. Vous voulez les stats? D'autant que Carrasco n'y est pas tout à fait. Lesquels? Je veux bien. De Mertens, quand il monte, oui, allez-y. 4 buts, 5 assists en 499 minutes. Il est donc décisif toutes les 66 minutes. Il ne l'est que toutes les 163 minutes quand il est titulaire. Voilà, et pourtant c'est une donnée qu'il réfute, mais chiffre à l'appui, on voit que c'est quand même une vérité le concernant. Avec Whelan, la balle va revenir chez Hendrick. Qui peut-être jouer là avec Coleman qui déborde. Attention, le centre de Coleman est dévié. Il faut que Vermaelen dégage là un petit peu à l'anglaise, très loin vers Oshie qui renvoie le ballon vers Hendrick. Houlahan, on leur laisse un petit peu trop la possession là, je trouve. Attention. Encore une fois, Hendrick qui s'engouffre. On réclamait une faute de main de Witzel, il n'y en a pas. Alors, Carrasco, il part perdre ce ballon. Non, mais là, il s'en sort très bien, hein, Carrasco. Techniquement, évidemment, il a un certain bagage. Est-ce qu'il est au top physiquement? J'en suis pas sûr. Alors on va voir avec Hazard sur la gauche. Hazard qui temporise quelque peu, le mot est faible. Petite accélération d'Eden Hazard, petit crochet, il attend de l'aide. Il est aux abords du grand rectangle. Il dit à Lukaku d'avancer parce que Lukaku reste un peu statique. Et du coup Hazard doit reculer, repartir à gauche et jouer plus bas que Witzel. Witzel. Et là on est complètement à l'arrêt. Hein. Ah oui, totalement. Hazard. Carrément même. Carrasco. Carrasco pour Witzel, toujours 1-0. Witzel qui va changer le jeu de l'autre côté, du côté de Meunier. Oui, Meunier qui rabat le ballon pour De Bruyne. La tentative de sort de De Bruyne, il y en a un là qui ne savait plus du tout où il était, c'était Clark, avec Ward maintenant qui sort du grand rectangle, poursuivi par Lukaku, à qui le but a fait du bien évidemment. Alderweireld, dont ça fait un petit peu peur, il remporte au forceps son duel et il aère le jeu vers la gauche maintenant avec la complicité de Witsel et de Vertonghen. Hazard maintenant, 55 minutes, 1-0, Lukaku a marqué à la 48e. Et là, je ne sais pas. Ah, on s'arrête parce qu'il y a un joueur belge au sol, mais on continue avec le Witsel qui frappe directement dans les bras du gardien Randolph, alors que c'est Dembélé qui est blessé. Oui, Dembélé est toujours assis là sur la pelouse de ce stade de Bordeaux Atlantique. Ouais, mais les Irlandais, Monsieur Tchaki n'en a cure, hein, visiblement. Oui, mais les Irlandais n'ont pas le ballon dehors non plus. Hein. Non, alors que Witsel lève les bras haut vers le ciel. Ah, mais aucun fair play là de la part de l'Irlande, alors que Dembélé est toujours au sol et le jeu se poursuit. Ouais. Et l'arbitre ne dit rien non plus. Je comprends pas comment c'est possible. Voilà, Vertonghen a mis le ballon dehors. Ah ouais, là ils sont conspués, vous l'entendez, par le public belge. Moi c'est fou furieux. Hein. Ah ouais, mais ça il y a de quoi là, vraiment. C'est... Et c'est Nainggolan qui va monter. Et on ne l'avait pas vu venir, hein, mais il est là et il a déjà enlevé sa chasuble. Raja Nainggolan. Évidemment, c'est... on lui a vite dit de se tenir prêt s'il y avait un souci avec Dembélé. Hein. Ouais, il y a un souci avec Dembélé. Ce qui semble se confirmer en effet. Alors, Dembélé, sur quelle phase était-ce ? On ne nous la repropose pas. On avait un ralenti sur la phase précédente si avec la main de Witsel qui traînait quand même un petit peu, il faut bien le dire. Si on ne la propose pas, c'est que cela ne nous regarde pas. Sans doute, effectivement. En tout cas, nous ne l'avons pas regardé. Et donc, Dembélé, ouais, qui est le contact avec Hendrik. Ouais, on n'a pas l'impression que ce soit spécialement douloureux pour lui sur le moment. Mais il sort quand même en boitant. Il se retourne vers le bloc belge pour l'applaudir. Et donc le changement avec un homme qui avait disparu de l'équipe et qui la retrouve maintenant à l'heure de jeu suite à cette blessure de Dembélé, Raja Nainggolan. Voilà, le Romain qui salue, forcément le fameux salut romain. Bien sûr. Dembélé pour monter sur la pelouse. Rentrée touche pour Seamus Coleman. 1-0 toujours avec Hendrix. Hendrix qui tente de passer. Récupération d'Eden Hazard avec Vertonghen. Vertonghen qui relance vers De Bruyne. Ça va être compliqué ça. Et le ballon a-t-il été touché par un Irlandais ? Non. Ce sera donc une rentrée touche pour l'Irlande. Voilà, il faudra se réajuster, évidemment, trouver de nouveaux positionnements et automatismes avec Witsel qui gardera sans doute le rôle le plus défensif des deux. Et là ce sont les Irlandais qui ont la possession. Oui, on décale bien Hendrik sur la droite, il touche beaucoup trop de ballons, c'est Hendrik je trouve. Willan, attention là à l'incursion dans notre rectangle dont il faut sortir maintenant, avec De Bruyne, Carrasco, Witsel et une balle cédée à Hazard à gauche. Ouais, on est toujours dans notre camp, hein, avec Lukaku qui remet bien à Hazard. Lukaku sans doute mis en confiance par son but. Certainement. C'est trop long la passe de Hazard vers De Bruyne. Je ne sais pas, De Bruyne il a l'air émoussé je trouve dans ses courses, il n'a pas l'air à 100%. Quoi qu'il en soit, voici Robbie Brady qui remonte, grand coup de botte là-bas. On laisse des espaces. Hein. De Vertonghen, oui. Les Irlandais sortent de leur box maintenant, mais évidemment ils sont menés au score 1-0 depuis la 48e, le but de Romelu Lukaku. Oui, ils doivent le faire, mais je trouve qu'on les laisse venir quand même un petit peu facilement là, avec des lignes de course que l'on permet alors qu'elles devraient être coupées. Le bloc belge qui redescend là un petit peu depuis quelques minutes, qui attend la perte de balle irlandaise pour repartir de l'avant. Et nous sommes avec Houlahan, Hendrik encore, sortant du rond central. Il y a un appel de attention, Coleman là. Sur la droite. Il est de plus en plus offensif, le joueur d'Everton. Et là, il est à l'arrêt. Ouais, il est à l'arrêt. Il va jouer en retrait avec Houlahan. Houlahan, le centre, s'est redégagé par Meunier, mais très mal. Très, très mal. Il s'est racheté là parce qu'il y avait la reprise de Jeff Hendrik. Non, c'était pas Jeff Hendrik, c'était Robbie Brady et c'était une rentrée touche pour l'Irlande. Ah ouais, c'était mal fait là de Meunier, rentrée de touche pour Ward, toujours du côté gauche. Bah, finalement, il prend un petit peu d'élan, il va tenter de la jouer longue sans doute. Voilà, vers Willan qui se retourne. Non, on ne parvient pas à joindre Long parce que Vermaelen est intervenu. Oh là là là là. Nainggolan, son dégagement est contré. Faut pas les laisser frapper là quand même avec Houlahan, c'est pas encore fini. On le sent, là c'est fini parce qu'il y a une tête plongeante de Vertonghen mais qui remet encore un adversaire irlandais. C'est pas possible quand même, là. On ne parvient pas à se dégager de ce rectangle. avec Oulan. Oulan, il y a l'appel de balle, il faut fermer tous les angles, hein, maintenant. Ouais. Parce que ces trois points, on en a besoin de façon quasi vitale pour la suite du tournoi. Et le ballon là-bas va être récupéré par Thomas Meunier. Voilà, ce qui est fait avec un Engelan de Bruyne, une belle possibilité de contre-attaque. Witzel, il a du champ, là, il est en position axiale avec un Irlandais qui tente quasiment de faire un saut de mouton. Là, Witzel pour Hazard à gauche, mais le jeu a complètement ralenti. On n'a pas profité de notre supériorité. Hazard, Nengolan, Vertonghen, et on temporise dans la zone adverse. Il était axial, Axel. Le voici à nouveau au ballon pour De Bruyne. De Bruyne avec Nengolan. Bientôt l'heure de jeu. 1-0. Nengolan pour Witzel. Les petites passes latérales. Voilà Hazard sur la gauche. De Bruyne se propose. Il remet encore à Hazard. Lukaku demande et reçoit. Lukaku, l'auteur du but pour Kevin De Bruyne. Les supporters irlandais donnent de la voix, hein. Pourtant la possession de balle, ça a pu équilibrer, hein, quand même légèrement, 60-40. Voici sur la droite Meunier. Meunier qui rentre dans le jeu. Hazard vient près de lui, passe latérale de Meunier à Witzel. Il y a du champ libre pour Vertonghen à gauche, mais on passe d'abord par Lukaku qui remet à Witzel. Par qui passe énormément de ballons dans ce match. Ouais. Hein. Witzel, Hazard, ça c'est pas mal le démarquage de Carrasco sur la droite. Carrasco en retrait pour Meunier qui va tenter le centre. Allez, Witzel, Witzel, et c'est but d'Axel Witzel. Super 2-0 Axel Witzel. Il fallait descendre. Ça couronne son match. Hein. Il en fallait descendre. Il en fallait. Axel Witzel qui va mettre son coup de tête pour doubler la mise. Et là, on respire, évidemment. 61e, Witzel 2-0. Ah oui, 9e but pour Axel Witzel en équipe nationale. On venait de dire qu'il était un peu le patron, hein, dans l'équipe, parce que énormément de balles passent par lui. Il n'avait loupé aucune passe en première mi-temps. Un rôle très important, ponctué d'une reprise de la tête victorieuse. On va le revoir. Ah oui, et là, il pique un sprint pour traverser le terrain et aller du côté des coachs Gillet. Et des réservistes et de Jean-François Gillet, en effet. Très bon centre de Meunier. Witzel qui vient comme ça, super, en infiltration de la deuxième ligne. C'est un beau but, c'est un but comme on en voit dans le championnat anglais. Voilà, Witzel qui est bien en jambes dans cet après-midi. Il est bon, franchement, il est bon. Et donc, 2-0 maintenant, on respire mieux. 62e, on va sans doute marquer nos premiers points dans cet Euro. Oui, maintenant ça paraît quand même à peu près certain. Et on respire en effet davantage avec cette balle de break là, convertie par Axel Witzel sur ce beau centre de Meunier. C'est le moment choisi par Marc Wilmots, bah oui, l'heure de jeu, pour faire monter Dries Mertens dans quelques instants, pour aller participer à ce qui devient tout doucement une fête, alors qu'en première mi-temps c'était plutôt du stress. 2-0. Voyez et entendez ce public belge là qui n'est pas venu pour rien. C'est une libération, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de doutes. Ouais. Après ce premier match, attention quand même, hein, ne pas laisser frapper là, non, ça va aller largement à côté, cette tentative de Robbie Brady. Ben, on le savait, Manu, on l'a dit, on l'a répété, l'Irlande et la Suède, si la Belgique est un petit peu concentrée et appliquée, c'est largement à sa portée. Ah, hein. Ça ne peut pas normalement nous poser de problème si l'on a des ambitions dans ce tournoi. Et il y a eu un changement. Et donc voilà le changement. Mais il y a eu McCarthy qui a cédé sa place à McLean. Ça nous a un petit peu échappé dans l'euphorie. D'accord. McLean. Qui est donc ce fameux Nord-Irlandais. L'un des deux Nord-Irlandais de l'équipe, en effet, qui a opté pour la République sudiste. Et donc bientôt, Dries Mertens qui va participer au jeu. Deuxième changement, hein, du côté des Diables, après la montée de Nengelan qui lui a remplacé Dembélé blessé. McLean, le joueur de West Brom, 27 ans, il évolue. Il est né à Derry. Alors oui, c'est pas du tout étonnant. Carrasco va sortir. Hazard et De Bruyne viennent un petit peu boire là. Et à revoir, alors que ce que l'on revoit, c'est la faute dont il a été victime en fin de première mi-temps de la part de Long. C'est une véritable agression. Je ne comprends absolument pas que Long. Mais je crois qu'il est un peu blessé. Et, il a joué ce quatrième quart d'heure pas à 100%. Quand on voit ce qu'il s'est pris, c'est normal. Comment est-ce que Long n'a pas reçu le moindre avertissement là-dessus? Alors, ça, on c'est incroyable. Ce nouveau changement, le deuxième du côté belge, pour aller aussi aux nouvelles pour l'état de Dembélé. Alors, Carrasco. Ouais. Il y a quand même deux joueurs blessés, attention. Exact. Exact. La petite bise, c'est mignon, de Carrasco à Mertens qui monte donc à son moment habituel et dont on espère qu'il va jouer son jeu habituel de Dries Mertens Joker. En allant chasser tous les ballons là. Ah oui, ça, il va pas lâcher une miette, hein, Dries Mertens. Long dégagement de Randolph. Ouais, il aura 25 grosses minutes de jeu. 2-0 donc avec Lukaku et Witzel. Avec Nengolan là pour Meunier qui remet encore à Radja Nengolan et ce sera un coup de pied de but pour Thibaut Courtois. les Irlandais, là, à mon avis, sont un petit peu knock-out. Hein, parce que là, ils ont pris les deux buts, finalement, en l'espace de 13 minutes. Et Thibaut Courtois se dégage. Mais quelle ambiance, Manu, regardez c'est ça. C'est génial. C'est génial. Fabuleux. Franchement, ils sautent à l'unisson, là, les supporters belges. Dans ce bloc, il y en a d'autres qui sont un peu éparpillés ailleurs, mais la plupart sont actuellement derrière le but de Randolph. Donc en plus, ils auront pu assister de près aux deux réalisations belges de Lukaku et de Witsel. Mertens maintenant avec l'appel de Lukaku. Mertens tente sa chance directement, son ballon est contré. Mais là, il fallait le donner à Lukaku. Il fallait le donner à Lukaku. Si je ne m'abuse, dans cet Euro, il n'y a que l'Espagne qui a inscrit 3 buts pour l'instant dans un match. C'était hier. Mais essayons de faire pareil, hein, tant qu'à faire dans cette rencontre-ci, parce que l'Irlande est quand même pas mal à la ramasse là. Hazard, 2-0. Hazard, attention de ne pas perdre ce ballon, et il le perd, mais il a été aussi crocheté là par le petit. Rappelez-moi son nom, numéro 20. Houlahan. Voilà, qui sortait à grand moment de solitude. Et son mètre 68, la balle de Vertonghen pour Witsel, le buteur. Mais il a été vraiment très très bon, le patron, hein, le vrai patron de l'équipe, Witsel, là aujourd'hui, avec Hazard, changement d'aile. Pour aller du côté droit dans la zone de Mertens. Mais c'est Meunier qui va récupérer ce ballon, du moins je l'espérerai. Mais non, ce sera une rentrée de touche pour les Irlandais au niveau de la ligne médiane. Le 65e, 2-0 pour les Belges. Et voici le ballon là qui est retransite par Whelan. Oui, le revoici, Whelan encore, le numéro 6. Je m'interromps parce que je pensais qu'il avait pris une jaune, mais c'était au premier match. Oui, oui, tout à fait. Avec maintenant la balle dans les pieds de Houlahan, Whelan et McCarthy qui avaient été les deux joueurs avertis, qui sont donc, en ce qui les concerne, menacés. Le centre, attention au ballon qui traîne. C'est quasiment le seul Shane Long qu'il faut surveiller en permanence. Coleman avec Brady, tentative de centre contrée quasiment de la poitrine par Witsel. Ça va revenir chez Coleman encore, qui tente le crochet pour passer Vertonghen. Il y parvient. Pas mauvais, évidemment, hein, ce Coleman. Coleman, il est très bien. Mais on ne trompe pas aussi facilement un gardien de la trempe de Thibaut Courtois. Et donc Coleman, l'homme de l'assist sur le but de Houlahan au premier match contre la Suède, qui voit son essai capté. Courtois se dégage. Il vit une après-midi assez tranquille, il faut bien le dire. Et Lukaku a du mal, hein, dans les duels aériens avec Oshie. Là, il n'en gagne pas beaucoup, malheureusement, avec les Irlandais qui tentent malgré tout de réagir. Naïgolan vient chipper le ballon avec Lukaku. Lukaku qui le garde, le dit ballon, et qui va le transmettre en retrait à Alderweireld. Les Belges vont jouer beaucoup plus libéré maintenant, évidemment. Oui, avec une avance de 2 buts, on peut jouer libéré. Nainggolan Hazard à gauche. Hazard, Lukaku qui dévie finalement pour Nainggolan. Witsel, il y a de la liberté à droite là avec la zone de Meunier. Meunier pour Mertens. De Bruyne, ça joue court. Mertens progresse. Et De Bruyne, le ballon ne lui parvient malheureusement pas finalement. Et c'est Hendrik qui récupère. Ouais, pour Witsel, n'oublions pas aussi qu'il doit se mettre en vitrine pour un transfert. Hein. Ouais. On le cite à la Roma notamment, avec une belle sortie de mêlée là, de McLean. Le nouveau venu, le centre directement dans les bras de Thibaut Courtois. Ben oui, c'est vrai que c'est aussi un euro forcément sur fond de mercato, hein, pour certains joueurs, Manu. Ouais, oui. Et les Belges n'échappent pas forcément à la règle. Alors voici Hazard qui remonte le terrain et qui va servir sur la droite Dries Mertens. Voilà, Dries Mertens, le Napolitain, qui va peut-être décocher un tir. Là non, il joue en retrait pour De Bruyne. C'était l'occasion pour lui de lui redonner un petit peu de confiance. Mais malheureusement, il n'a pas cadré sa frappe qui passe au-dessus du but de Randolph. Il remercie Mertens de ce petit ballon cédé en retrait et il s'en veut. Mais tout de même, il était impliqué et bien impliqué sur le but d'ouverture. Alors, le dégagement du gardien Darren Randolph, 2-0, 69 minutes de jeu. Les buts, on le rappelle, en seconde période par Romelu Lukaku et par Axel Witsel. C'était d'ailleurs notre score, hein, Thierry, notre pronostic que nous n'avions pas osé mettre sur antenne. On n'ose plus. Par superstition. Witsel à la sortie du rond central. Witsel, il est impeccable encore une fois. La balle revient chez Nainggolan. Changement d'aile là-bas pour aller retrouver Eden Hazard du côté droit. Mertens est pour l'instant à gauche. Hazard quasiment à l'arrêt pour Meunier maintenant. C'est son centre qui a amené le but du 2-0. Exact. Et maintenant Lukaku. Lukaku avec Hazard. Hazard qui remet bien à Meunier. Nouveau centre de Meunier. Ah, cette fois-ci, Mertens, c'est un petit peu trop petit. Mais il a un bon centre, hein, Thomas Meunier. Ouais. C'est pas une découverte. C'est l'une de ses armes. On le connaissait évidemment du championnat belge. Cet ancien attaquant reconverti en défenseur. Et Michel Prudhomme, s'il est dans le stade, il doit être content, hein, puisque son joueur a été a délivré un assist. 2-0. Juste. Il reste 20 minutes, un peu plus. Et Aidan McGiddy va bientôt prendre part au jeu pour l'Irlande. Hendrick qui évite l'intervention de Mertens. Hendrick encore. Les Irlandais vont-ils une fois menacer Thibaut Courtois dans ce match ou pas ? Ce n'est même pas sûr. Il tente l'accélération là sur la gauche. Hein, mais belle défense hein, de la part de Thomas Meunier qui s'interpose avec pas mal d'autorité et qui relance dans le couloir pour Hazard. Hazard, il est passé. Ah oui, il est passé. Il a même évité l'arbitre de touche. Superbe. Il a fait un grand pont sur l'arbitre de touche. Lukaku est tout seul. Oui, on doit marquer là-dessus. Allez, Romelu, tu peux pas rater ça. Et voilà, 3-0. Comme à la parade. Et oui. Et c'est Hazard qui a tout fait. Hein. Ah oui, splendide. Et regardez là, la communion entre Hazard et le public. Il a absolument tout fait. J'ai eu peur hein, parce que sur ce genre de remontée de terrain, si vous avez un adversaire mal intentionné qui vous coupe en deux, ça peut faire des dégâts. Mais ça n'est pas arrivé. Hazard a remonté tout, a évité tout le monde. Et là, Lukaku, il ne pouvait absolument pas louper ça. Et donc, c'est son deuxième but de l'après-midi. Voilà donc la Belgique, la 3-0. On fait comme l'Espagne. Exact. Et c'est pas fini, hein, Manu. Il reste 20 minutes encore. Exactement. Hein. Tout s'est décanté ici en seconde période. Pour le plus grand plaisir des supporters. Mais quelle remontée d'Hazard. Hein. Ouais, là, c'est là que j'ai peur. Hein. C'est quand l'Irlandais vient vers lui. J'ai beaucoup aimé le grand pont sur l'arbitre assistant. Le grand pont sur l'arbitre était très beau. Ouais. Alors là, Lukaku, du sang-froid, il ne pouvait pas louper, mais il en faut. Et son pied gauche, il est bon. Hein. Et la confiance de son premier but l'a aidé aussi sans doute à convertir l'occasion. Et 1, et 2, et 3-0. Et 3-0. Et le changement, donc, avec la sortie de Wes Hoolahan. Et oui, il a monté de Aidan McGiddy. Alors qui, pour la petite histoire, joue lui à Sheffield Wednesday, mais il va quand même jouer à lundi. Excellent. Et Sheffield Wednesday, où avait joué un joueur belge, j'hésite entre Marc de Grey et Gilles de Bille. Je confonds les deux Sheffield. On vérifiera. Mais aucun des deux n'a joué à l'autre Sheffield, je crois. Ah, bah alors ils ont joué tous les deux. On vendra Marc de Grace puisqu'il est dans la tribune. Je pense, voilà. On aura assez rapidement la réponse. 3-0 donc avec ce but, ce doublé de Romelu Lukaku, ce deuxième but personnel pour lui tomber à la 70e minute. Ben oui, à chaque fois dans des circonstances favorables pour lui, bien entendu, avec plus de liberté dans la défense irlandaise. Il préfère. Ouais. Hein. Et des espaces maintenant ne sont plus des espaces, ce sont des boulevards ici, le long des quais de la Gironde. Et la balle ne va finalement pas arriver. Ouais, c'est un ballon qui est dans les bras du gardien Randolph. 3-0, donc deux fois Lukaku, une fois Witsel. La Belgique a remis les pendules à l'heure après l'échec initial face à l'Italie. Le flot de critiques quasi ininterrompu hein, qui s'est déversé sur Mark Wilmots. Voilà. Vous entendez, on est chez nous, Le public qui est en train de chanter, là, le public belge derrière le but de Randolph. Et ça fait chaud au cœur, hein, ça fait vraiment plaisir. Mais on est chez entendre. Nous, hein, puisque la Belgique joue dans son camp de base, près de son camp de base. C'est une simple vérité qui est énoncée par le public belge là, qui a effectivement tout compris. 3-0. C'est important aussi de marquer des buts, de soigner l'avérage dans des cas d'ex-aequo, hein, on le rappelle, s'il y a des équipes à départager, ce sont d'abord les confrontations directes et puis les différences de but générales. Donc un 3-0, on ne va pas s'en plaindre, hein, même si on aurait déjà signé pour 1-0 à la 88e. Ouais, mais là, il faudra finir le boulot mercredi à Nice, dans cette nouvelle enceinte aussi, contre la Suède, mais pour le moment, cela était dans les cordes des Belges. Ah oui, cette Suède qui est quand même aux portes de l'élimination, là, avec son 1 sur 6 et 0 tir cadré en 2 matchs, on le rappelle. La balle dans les rangs de l'Irlande encore, ben forcément... Et 0 but à inscrire. Fatalement. Ouais. Avec... oui, puisque vous évoquez l'autobut, mais l'un va avec l'autre. Coleman avec Ward, Oshie qui reçoit le ballon, et l'autre c'était Clark. Ben là, ils ont plus que pris un coup sur la cafetière, évidemment. Et ce dernier quart d'heure va être un petit peu pénible pour les Irlandais qui n'aspirent qu'à une chose, c'est la fin du match. Oui, mais il y a encore plus d'un quart d'heure avec Clark, Oshie qui remonte le terrain un petit peu. Alors que les supporters belges assurent le spectacle. Forcément, ceux d'Irlande sont beaucoup plus apathiques. 74e, 3-0. Donc, le réveil belge. On l'espérait, on a eu encore... mais pas peur en première mi-temps. C'est un petit peu stressant parce que vous ne voulez pas faire sauter ce verrou irlandais. Mais là, il vient de sauter trois fois. Hein. Oui, il vient de sauter trois fois. Ce n'est vraiment pas pour nous déplaire. Là, avec peut-être la réaction quand même, Coleman à droite face à Vertonghen. Le public irlandais est en effet totalement apathique et abattu. Hendrick, la balle revient chez Brady. Là, on peut se permettre de laisser faire un petit peu cette équipe d'Irlande. Non, non, non, mais qui se loupe toute seule hein, avec le centre qui passe complètement au-dessus là, de la part de Hendrick. Apathique, ça rime avec aucun Celtic danger. Et gaélique. Oui, c'est vrai. Et sympathique, comme vous l'êtes, ma vie. Ok, si c'était pour en venir à ça, alors c'est une belle chute. Le dernier quart d'heure, bientôt donc de ce match, 3-0. Le doublé de Romelu Lukaku et entre les deux, le très beau but de la tête d'Axel Witsel. Le dégagement de Courtois, qui aura quasiment été simple spectateur lui cet après-midi. La balle va sortir en touche pour l'Irlande. Alors que c'est la hola dans le stade. Évidemment, les Irlandais ne suivent pas le mouvement. Non, hein. Non, il ne faut quand même pas non plus complètement se moquer d'eux. Ouais. Alors, la balle en retrait, Vermaelen. Ben, ça, c'est un constat positif aussi. Hein. Il vient de tenir deux matchs de suite à 4 jours d'intervalle ou 5. L'intégralité des 90 minutes, c'est bon pour lui. Parce que la qualité, évidemment, il l'a. Ah oui, il l'a toujours eu, on n'en a jamais douté. Mertens qui accélère. Mertens, il a pris contre heureux pour appui sur Lukaku. Ouais, ouais, bien joué. C'est bien ça. Mertens en droite, il y a un homme qui est tout seul. Mertens continue. Non, là, il a forcé son tir. Ah, Hazard n'est pas content. Hazard n'est pas content, regardez-le. Mais, ouais. Mais Mertens va lui donner le ballon. Bah, il devait donner. Là, il a voulu jouer sa carte personnelle. Il a parfois envie de trop montrer, de trop prouver. Et ça ne marche pas toujours. Ah, mais voilà la légende Robbie Keane qui va. Ah, le voilà. On va quand même l'avoir sous les yeux pendant un quart d'heure. Il aura quand même 36 printemps le 8 juillet prochain, 67 buts en 142 sélections. Ouais. Et il évolue au Los Angeles Galaxy. Oui, un coéquipier de Yael Van Damme, donc, si je ne m'abuse. C'est exact. Et donc, Robbie Keane, 90 minutes pour lui, ça devient un petit peu compliqué. Donc, il avait joué la dernière demi-heure contre la Suède en remplacement de Walters, qui était blessé. Il va jouer le dernier quart d'heure ici. Pour l'honneur, hein, évidemment, dans cette Irlande menée 3-0 par nos Diables Rouges. Alderweireld, Raja Nengolan, qui a remplacé un Dembélé blessé, rappelons-le. Hazard qui essaye de passer, le ballon est perdu. Récupération de Long, Hendrick. Il y a un bon retour de De Bruyne qui remet à Courtois. Alors sur Twitter, on nous demande s'il y a de la jupe ou de la Guinness sous le poste de commentateur. Que de l'eau, hein, bah, je précise. Bien entendu, ça. D'accord. Et pas de Bordeaux non plus. Non, nous sommes uniquement à l'eau. Voilà. À l'eau quoi. Allô. Avec Mertens qui démarre sur la droite. Mertens dans son dos. Hazard, je crois que cette fois-ci il ne va pas l'oublier, il ne va pas le faire deux fois. Hazard à droite qui ressort d'ailleurs du box où ils sont deux avec Lukaku et Mertens. Hazard continue et va finalement lâcher son ballon pour le céder à Meunier. Meunier en retrait pour Vermaelen dans le rond central. 77 minutes de jeu, 3-0 si vous nous rejoignez maintenant. Tous les buts en seconde période. Lukaku, Witsel, Lukaku. Et ici c'est De Bruyne. De Bruyne qui recule un peu, va chercher Vermaelen près de la ligne médiane. Vermaelen un peu plus en retrait pour Alderweireld qui va faire participer Courtois au jeu. Courtois se dégage sur Willian en plein rond central. Oui, retour de Mertens. Mais les Irlandais conservent le ballon. Est-ce qu'il est monté, King? Non, pas encore. Il est toujours encore. Là. Number 10 avec le ballon ici pour Brady. Attention parce qu'Hendrick a un petit peu d'espace. Le voici avec McGiddy qui est dans le rectangle. McGiddy centre contré par Vertonghen. Corner et monté de Keane. Voilà, cette fois-ci il va pouvoir monter Robbie Keane. Et à mon avis, là, quel que soit le score et l'état d'esprit des Irlandais, il va être très applaudi. Eh bien, c'est en remplacement de Shane Long. Bah, qui doit encore traverser tout un demi-terrain. Et c'est Long, hein, demi-terrain. Long is the road, hein, ce qui le concerne. Alors qu'il n'est pas américain, pour aller se faire remplacer par Robbie Keane. Qui lui est un peu américain. Oui, puisqu'il évolue au Los Angeles Galaxy. Et c'était une référence musicale, bien entendu. J'avais compris, on ne va pas nous prendre quand même pour des cinglés non plus. Voilà. Alors, le corner pour l'Irlande et Robbie Keane qui va directement arriver vers le bloc irlandais, ce qui fait plaisir aux Boys in Green. Alors, Brady va le donner. 79e, 3-0. Brady de son pied gauche, bon frappeur, on l'a dit, hop, c'est parti, c'est pas mal donné, hein. C'est redégagé là-bas par Thomas Meunier au petit rectangle. Nengolan va au duel, Witsel émerge, oublie le ballon en chemin. Ballon. Ouais, ouais. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une petite faute de Meunier ? Non, le ballon reste irlandais. Le ballon reste irlandais, on laisse l'avantage du jeu. L'arbitre avait vu la faute, monsieur Chakir. La reprise de la tête sans aucun danger là-bas de la part de James McLean. Ouais. Une offrande à Thibaut Courtois et une relance déjà orchestrée sur le flanc gauche avec Mertens et Hazard. Ouais, avec à nouveau Dries Mertens qui temporise un petit peu. Il va aller rechercher Kevin De Bruyne qui à mon avis n'est pas encore à 100%. Hein. Mais bon, il va peut-être monter en puissant dans ce tournoi. C'est tout ce qu'on espère et tout ce qu'on souhaite avec Vertonghen pour Alderweireld. Alderweireld qui attend une solution, long ballon dont il a le secret vers Mertens. Oui, vers Mertens qui le contrôle avec beaucoup de facilité sur la gauche. Hazard qui laisse l'initiative à Mertens qui a un contre heureux, un deuxième et la tentative. Non, il n'est pas très heureux par contre dans ses essais vers le but. Le contre lui était favorable avec Willan, mais finalement le ballon de Dries Mertens, toujours aussi populaire, regardez comme il est applaudi, passe à côté. Ah oui, mais c'est un beau bloc belge. Hein. Franchement, là, ils sont. Ils sont grands, là, il a tiré du coup de pied, là, ça passe comme assez largement à côté. Oui, Mertens, c'est la coqueluche. Hein. Surtout, on le répète à chaque fois auprès des supporteresses belges. Il est extrêmement populaire. Et nous abordons les 10 dernières minutes. Martin O'Neill reste impassible. Il l'était déjà hier en conférence de presse. Il en a vu d'autres. Il a 64 ans. Ah, c'est pour ça. Alors, Alderweireld. C'est un vieux sage. Oui, d'accord. Le dégagement d'Alderweireld vers Lukaku. Interception de Meunier. Ballon perdu avec une garde montée par Ward qui joue en retrait. Bah oui, là, franchement, ils attendent que ça se termine, les Irlandais. 10 minutes encore avec Oshie qui appelle quand même McGiddy plus près de lui. Hendrick qui a tenté pas mal de choses, hein, mais qui n'a pas toujours été très heureux. Willan, et maintenant nous sommes avec Ward à gauche. Les Belges ont marqué 3 fois en 22 minutes, ouais, on le rappelle. Mal. Il y a encore évidemment, si je calcule bien, la possibilité d'un changement du côté belge. C'est tout à fait exact. Alors que Fellaini et Denayer reviennent de l'échauffement. Lukaku a failli aller chipper le ballon chez Oshie. Ouais, Lukaku, 2 buts. Hein. Et donc, le ballon est à nouveau irlandais. Il reste 9 minutes à jouer ici à Bordeaux. Les Belges vont gagner leur premier match de poule. Pour l'instant, sur le score de 3-0. Et donc, la Belgique remarque dans un euro, ça fait plaisir. Oui, et je pense à Morata hier, oui. À Payet avec la France. Les hommes à deux buts. Qui en sont à deux buts. Je pense que personne n'est à 3 buts hein, pour non. L'instant. Donc, il rejoint la tête du classement des buteurs. Pour l'instant, Romelu Lukaku, minimum avec ces deux-là. Il y en a peut-être d'autres, j'en suis pas certain. Avec, ouais, un tir irlandais qui est contré par Hendrick, qui est quasiment assommé par cette frappe de Robbie Brady. Ben oui, si même eux, ils se mettent à dévier leurs propres envois, où va-t-on ? Voilà Benteke. Et Benteke va monter quand même pour les dernières minutes. L'occasion de saluer Romelu Lukaku. Étonnant, hein, parce que son mauvais match contre l'Italie, une première mi-temps où il passe relativement inaperçu. Et puis en deuxième période, ben, il a inscrit 2 de nos 3 buts. Ouais, le troisième, il n'a pas extériorisé. Enfin, deuxième but personnel. Et le premier, c'était au prix de cette belle remontée de terrain et du travail de Kevin De Bruyne. C'est bon, évidemment, pour sa confiance. Lui qui se met toujours énormément de pression, qui est très critique par rapport à ses propres prestations, qui ne se satisfait pas du travail accompli, qui se remet en question. Ben là, il met 2 buts. Et Benteke, c'est intéressant pour lui aussi de le voir 10 minutes à l'œuvre. Ouais, même s'il a déjà du mal avec Oshie dans le premier duel, eh bien les Belges seront restés donc 362 minutes sur 6 heures sans marquer à l'euro. Cette lacune est enfin comblée puisqu'on avait été battu par l'Italie et la Turquie, on le rappelle. Alors que le ballon est par l'Italie à nouveau, pour être tout à fait complet dans cette histoire belge les derniers euros. Benteke vient chipper joliment le ballon à son opposant et Hazard repart. Ah oui, son grand copain, là, Hazard et Benteke qui se retrouvent avec Witzel qui reçoit le ballon de Benteke. De Bruyne va-t-il le donner à droite? Non, il tourne comme une toupie. La frappe de De Bruyne, ça pouvait être dangereux. Ouais. C'est cadré et finalement, en deux temps, le gardien s'empare du ballon. C'était impressionnant comme mouvement. Il a vraiment fait un tour à 360 degrés et puis finalement, il a frappé Kevin De Bruyne. Oui, c'est vrai. Pour éviter Hendrick, c'était joli geste. C'est ça le fameux esprit 360. Oui. Alors voilà maintenant. C'est très belge, hein, ça. Randolph qui va se redégager. 3-0, il reste 7 minutes. Dégagement aussi de Meunier. qui, à mon avis, va rester dans l'équipe. Il n'y a pas de raison. Dans un match, on doit encore dominer face à la Suède. Il n'y a plus de raison de changer, effectivement. Oula, Foden Aigolin, peu discrète, il faut bien le dire. Commise sur la légende, l'homonyme, vous l'avez dit, de Roy Keane, qui est l'assistant de O'Neill, cette équipe irlandaise. Alors, on penche déjà, Manu, à la Suède. Évidemment, elle n'a pas montré grand-chose. Bon, évidemment, Zlatan est toujours capable d'un exploit individuel ou d'un coup franc dont il a le secret. Pour le reste, des gens assez vieillissants, hein, comme Kallström. Ouais, ou Isaksson, le gardien. Une équipe à la portée des Belges, ça c'est une évidence. Et c'est un coup franc maintenant pour Brady. Eric Johansson, l'ancien défenseur de la Gantoise, qui n'a presque pas joué. Éphémère. Qui est resté une demi-saison. Bref, on aura l'occasion de reparler de tout Christian cela. Christian Willemsen, ça par Zetterberg, qui en a eu les Suédois en Belgique. Ah oui, parce qu'ils ne sont plus là. Hein. Ah bon? Et donc, dans les 23. Et donc, ça va donner 6-3-1-1. Pour le classement de ce groupe E. Donc forcément les Suédois et les Irlandais, ils ne devront plus calculer dans ce dernier match pour espérer finir troisième. Allez, le coup franc là pour l'Irlande, ça n'a même pas été contré, cette balle lointaine de James McLean qui est passée à côté du but de Courtois. Et à propos de Clean, son clean sheet là, il va l'avoir aujourd'hui enfin, parce que ça faisait longtemps que nous ne terminions plus de match sans encaisser. C'est pas encore fini, hein. Il reste encore 5 minutes. Bien sûr, mais j'en prends le pari. Donc, pour une mode, ça a effectué ces 3 changements. Le dégagement de Thibaut Courtois, on cherche Benteke. Mais aussi, il est très bon, hein, dans les duels aériens. Avec un dégagement ici de la part de, comment s'appelle-t-il, Ward, le ballon chez Nagolan pour Mertens. Oui, Mertens qui entre en action, qui essaye de passer un homme, et on a l'impression qu'il veut toujours un petit peu trop en faire. Et il y a une récupération justement de McLean là, dans une position d'arrière-gauche. Hendrick qui reçoit la balle, il la cède latéralement à Willan qui va ouvrir sur le flanc droit dans les pieds de Coleman qui franchit la ligne médiane et qui arrive dans notre moitié à nous. Hendrick poursuivi par Nainggolan, Hendrick en retrait pour Willan. Et Willan, il y a De Bruyne qui continue le pressing. Mais Willan ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Là. Alors il revient tout derrière chez son gardien Darren Randolph. Tout de bleu, roi vêtu. Il reste 4 minutes à jouer ici à Bordeaux. Et donc la Belgique va s'imposer 3-0. Ça s'est très vite décanté dans le quatrième quart d'heure avec ce but rapide de Romelu Lukaku. Alors, que scande le public? Allez, saute avec nous, mais lequel? C'est ça le plus compliqué à déterminer. Le dégagement. On avait entendu le « on est chez nous » tout à l'heure. Et là, c'est quelqu'un qui est incité à sauter. C'est pas Michel, hein, cette fois-ci, même s'il est dans le stade. Hein, pas à chaque fois. Alors, 3 minutes 30 secondes encore dans cette partie. 3-0 toujours. Donc, deux fois Lukaku, une fois Witzel. Il y a quand même eu ce petit stress de la première mi-temps. Exact. Il fallait marquer tôt dans la deuxième. Et de ce côté-là, c'est bien que ce soit tombé si vite à la 48e. Sinon, le doute aurait pu continuer à s'installer. On avait dit qu'on les trouvait un peu nerveux, un peu stressés. Qu'il fallait que ce stress puisse se libérer avec l'ouverture du score. À ce moment-là, face à une faible Irlande, tout allait devenir plus facile. Ça a bien été le cas. Récupération très très basse de Christian Benteke qui est à hauteur de ses défenseurs. Avec De Bruyne. Ouais. Et là, petite mésentente, ballon récupéré par Vermaelen. Vermaelen, grand coup de botte. Ça va être compliqué pour Benteke. C'est Coleman qui passait par là. Récupération d'Axel Witzel, le meilleur belge. N'ayant pas peur des mots. Vraiment très bon. Vertonghen, bon ballon là, le Vertonghen. Le métronome. Vertonghen pour De Bruyne qui avance plein axe. Il a tenté de jouer à Benteke. Oui, il n'y est pas parvenu. Il a cours du déchet. Hein. Ouais, récupération de Oshi qui relance vers McGeady. Nous sommes maintenant du côté gauche avec Ward. Les Irlandais qui tentent de procéder sur leur flanc. Retour chez Ward avec la balle maintenant dans les pieds de Ciaran Clarke. Hendrick, qui va essayer le long ballon encore. Ce n'est plus pour Long qui n'est plus là, mais c'est pour Robbie Keane qui n'arrive pas. Et c'est Alderweireld qui a intercepté, qui redonne le ballon à Meunier. Meunier pour Alderweireld. Il reste 2 minutes ici à Bordeaux, 3-0. Et donc, en effet, 6-3-1-1. Ça va être la nouvelle donne dans ce groupe E. Avant le dernier jour, ce sera mercredi. Italie, Irlande et Belgique, Suède. Oui, la lecture de ce classement, ça fait du bien quand même, parce que le 6-1-1-0 de tout à l'heure, ça faisait un peu mal aux yeux. Donc maintenant que nous passons à 3 et à la deuxième place de ce classement, ça va beaucoup mieux. C'est une deuxième place que nous devons évidemment maintenir et qui, on le répète, n'est pas nécessairement mauvaise dans l'optique des huitièmes de finale. Benteke, Mertens Benteke, là, il va être un petit peu court et le gardien s'est couché sur le ballon. Mais rappelons que si nous sommes deuxième, nous affronterons le premier du groupe F, c'est-à-dire le groupe du Portugal, de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Islande. Alors que nous, si nous avions fini premier, ça aurait été le deuxième du groupe avec Espagne et Croatie, hein, je pense. Donc c'est peut-être une autre paire de manches. Donc voyons le côté positif des choses après, évidemment, cette cuisante défaite qui a fait très mal contre l'Italie, mais qui pourrait finalement être bénéfique. Alors que le ballon est sur la droite pour McGinley, Coleman qui fait mine de s'engager, il s'arrête. Non, il est passé quand même, Coleman, son centre n'est pas mal, ça surmonte tout le monde et il y a une reprise là. Oh là. Ouais, loupé de la part de Stephen Ward, Coleman qui aurait été à mon avis un des meilleurs Irlandais. Et donc le match touche tout doucement à sa fin après 3-0, évidemment on n'a plus vu grand chose, il fallait s'y attendre. On rappelle donc Lukaku, Witzel Lukaku, 48e, 61e et 70e. Un carton jaune pour Vermaelen, donc Vertonghen n'a pas été averti. Et les écharpes, Manu, se déploient sur notre gauche. Ah oui, c'est vraiment une belle image là, de ce bloc belge à l'unisson. Avec la balle pour Hazard peut-être, la tête de Benteke. Va-t-on vivre quand même encore une petite séquence offensive? Le panneau va être brandi avec le temps additionnel dans quelques instants. Il y a une perte de balle, il y aura 3 minutes. De Bruyne est fatigué. Oui, De Bruyne est fatigué, ça se voit. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et les Irlandais ont retrouvé la possession sur la gauche. Oui, les voici qui repartent. Ils n'abandonnent jamais, hein, évidemment. Ce sont des valeureux guerriers du Connemara. Avec une frappe d'Hendrik Contré, avec la tête de Vertonghen qui part au plus pressé. Hazard va encore piquer un petit sprint, mais inutile parce que ce sera une rentrée de touche pour les Irlandais et en l'occurrence pour McGinley. Non, pour Coleman. Nous sommes entrés depuis 30 secondes dans le temps additionnel. 3-0, ben voilà, la Belgique s'est bien reprise. Ça a encore été un petit peu laborieux en première mi-temps, mais on savait que dans ce genre de match, une fois que la situation se débloquait, Manu, tout devenait plus facile. Hein. Exactement, la tentative de centre de McGinley qui est contrée par Vertonghen. Les Irlandais vont bénéficier sans doute du dernier corner du match. Non, c'est pas un corner finalement, c'est une rentrée de touche. On était proche du drapeau avec Coleman encore, qui aura été dangereux par moment dans cette seconde période. Coleman qui met le pied sur le ballon, qui essaye de jouer au plus fin technicien avec Hazard, ce qui n'est pas évident. Et là, on a quand même fini par sanctionner la faute. Et finalement, on a marqué sur ce qu'on fait de mieux, les reconversions ben rapides. Oui. Oui. Ah oui, face à des défenses regroupées, on continue toujours à avoir autant de mal. Et c'est quand on a des espaces qu'on est dangereux. L'histoire se répète, en effet. Absolument. Avec Courtois qui va pouvoir se redégager. Maintenant, il reste 1 minute 40. Et puis l'arbitre turc de cette rencontre, eh bien, M. Çakır va libérer tout le monde. Les Belges vont rentrer, pas loin, hein, on l'a dit, à quelques 15 km d'ici, dans leur camp de base du Hayan. Qu'est-ce que je raconte dans leur camp de base Pierre-Médoc. Pierre-Médoc, c'est le camp d'entraînement du Hayan qu'ils retrouveront dès demain, bien sûr. Sans doute pour un décrassage, plus qu'autre chose. Mais on imagine évidemment que dans le groupe, tout va changer au niveau de l'atmosphère. Hein. Ça va ramener une certaine sérénité, alors qu'on avait quand même senti beaucoup de crispation ces derniers jours. Hein. C'était pas encore le vestiaire n'était pas encore au bord de l'explosion, hein, mais il fallait quand même pas. Il y avait quelques voix dissonantes. Hein, oui, ouais. C'est ça. Mais vous auriez eu un deuxième mauvais match d'affilée, un deuxième mauvais score. Alors là, ça aurait été carrément la crise. Ici, tout le monde va pouvoir un petit peu souffler et retrouver ses esprits. L'accélération dans l'axe là de Brady, voilà, qui doit finalement repartir côté gauche où il va peut-être pouvoir tenter un centre. Ouais, il essaye en tout cas, il est tenu très près par Thomas Meunier. Le centre, le voilà avec Allen, ne pas encaisser. Hein. Non, et voilà. Ce sera un coup de pied de but pour Thibaut Courtois. Et on va en rester là parce qu'il reste à mon avis 25 secondes à jouer dans cette rencontre. Les joueurs belges et Eden Hazard, le capitaine en tête, vont pouvoir cette fois communier avec leur public. Ça n'a pas été forcément le cas à Lyon l'autre jour. Et voilà, regardez-moi ça, Manu. Quelle ambiance, ils seront encore là.

Dans un instant, donc, le journal de 17h, on va vers un premier court débriefing avec Benjamin Niquez, avec Pascal Chimay, ici l'équipe Complètement Foot. Pardon, Benjamin, je marche sur votre câble. Donc, l'équipe de Complètement Foot en direct de Toulouse. Restaurant Gigot, pas de commentaires, s'il vous plaît. Pascal, Benjamin, votre avis sur ce match? Mais voilà, on avait attendu longtemps ce but dans cet Euro, ce but de Romelu Lukaku, cette victoire. Elle était indispensable et elle est tombée donc, dans cette rencontre face à l'Irlande. Mais c'est la victoire qu'il fallait et la prestation aussi hein, qu'il fallait. Alors on va dire oui, mais en première mi-temps, c'était pas super, etc. À la mi-temps, lors du débrief, on avait dit qu'il fallait être patient dans cette rencontre et que tôt ou tard, ces Irlandais allaient être, entre guillemets, châtiés, allaient être punis. Et on voit qu'à un moment, bah, quand les joueurs de classe prennent cette équipe en main, ça va tout seul. Hein. Benja. Ben oui, des buts sur contre essentiellement, et comme quoi ben, on l'avait dit à la mi-temps qu'il faut continuer à pilonner cette équipe d'Irlande et qu'ils allaient craquer. Maintenant, ben voilà, deux buts de Romelu Lukaku, dont le premier sur un contre, le deuxième également. Donc on peut relancer le débat sur sa présence dans l'équipe et comme je l'avais dit au début du match, hein, c'est tout le mal qu'on souhaite, c'est qu'il marque le plus de buts possible. Moi, je l'ai dit et je le répète, je ne l'aurais pas aligné cet après-midi. L'honneur de répéter ce que j'ai dit avant et pas changer. Pas retourner ma veste. Mais voilà, l'entraîneur a gagné. Il avait tort parce qu'il avait perdu le dernier match. Ben, aujourd'hui, il a raison. Il a raison sur toute la ligne. Pascal, sur la titularisation et le succès de Romelu Lukaku aujourd'hui. Vous aviez fait le débat longuement hein, ces deux derniers jours, c'est normal, vous êtes là pour ça. On s'est confrontés, on n'avait pas le même avis. Moi, j'estimais que Romelu Lukaku devait jouir de la confiance de son entraîneur parce qu'un numéro 9 a besoin de confiance. Ces propos-là viennent d'être répétés chez nos confrères de beIN Sport par Bobo Vieri qui, honnêtement, en termes d'attaquant, il s'y connaît quand même un petit peu, Christian Vieri. Donc, mais en même temps, super, je suis très très content pour Romelu, très très content pour les 3 points, pour la victoire 3-0 face à une équipe certes très très faible, il faut quand même le souligner, mais ça ne remet rien en question. Romelu Lukaku n'est pas devenu un attaquant de classe mondiale aujourd'hui avec ses 2 buts, comme il n'était pas devenu une chèvre face à l'Italie parce qu'il n'avait pas touché un ballon. Il reste Romelu Lukaku avec ses qualités et ses défauts. Encore faut-il jouer avec ses qualités et essayer de le faire jouer avec ses qualités. Déjà le journal de 17h. Ce qui a été fait aujourd'hui en partie. On va avoir un long débriefing, hein, je vous rassure, la suite de cette émission spéciale. Bien sûr, jusqu'à 18h30, vous donnez votre avis 070 246 045 supporters des Diables Rouges, où que vous soyez en France, comme nous ici à Toulouse, à Bordeaux forcément, vous êtes encore plus nombreux partout dans le monde, en Belgique. On aura entre autres Ebi Brouzakis tout à l'heure au milieu des supporters des Diables. Donnez votre avis au 070 246 045. Vos SMS, ils sont déjà nombreux. 30 63, continuez à réagir par rapport à cette victoire et ce score 3-0 contre l'Irlande. On nous dit belle victoire, mais ce n'est que l'Irlande. On va en débattre dans un instant aussi. Hashtag CFootRTBF sur Twitter. On se retrouve juste après le journal de 17h. A tout de suite. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Bonjour, c'est Romelu Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au Salon des Nouvelles Technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démos high-tech en galerie. Vivez des moments intenses entre amis ou en famille et profitez d'offres et de remises haute définition. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Marque à suivre. Faites confiance aux spécialistes en chaussures, incontournables pour toute la famille. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marqueasuivre.be. Marque à suivre. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otari, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée est toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Un petit mot sur cette nouvelle victoire? Je pense que, dans l'ensemble, ben, l'équipe a fait un beau match, hein. Ben, moi, chérie, je pense qu'il est temps de lever ses petites fesses et de filer chez Biémarbois. Le plus large choix de terrasses, bardages et aménagements extérieurs. Ça, c'est un trio offensif de rêve. Hmm? Biémarbois, à Soumagne et Malmedy. L'équipe la plus complète pour vos aménagements extérieurs. Biémarbois, des conseils diablement pros. Vous écoutez Vivacité, les 17h. Et 1, et 2, et 3-0. La Belgique a dû attendre la deuxième mi-temps pour faire parler la poudre, mais les Diables Rouges ont fait taire leurs détracteurs. Belgique 3, Irlande 0. Les Belges prennent la deuxième place du groupe. Dans ce journal, vous avez été nombreux aussi à suivre la rencontre devant les écrans géants. Ambiance à Charleroi dans un instant. Le niveau d'alerte reste à 3 sur 4. Pas de raison de paniquer, estime le Conseil national de sécurité. 12 hommes ont été arrêtés la nuit dernière après une quarantaine de perquisitions dans les milieux terroristes. Une idée sympa si vous aimez la lecture, l'échange de livres. Les parcs à conteneurs de Wallonie organisaient une collecte aujourd'hui. Le journal vous est présenté par David Riffon. Bonjour David. Bonjour David, bonjour à tous. Il a fallu attendre une mi-temps. Et puis le compteur s'est débloqué. 3-0 pour les Diables Rouges face à l'Irlande à l'Euro. Avec notamment un doublé de Romelu Lukaku. La Belgique a donc parfaitement rectifié le tir. On retrouve Thierry Luthers en direct de Bordeaux. Oui David, on a envie de dire que l'Euro des Diables est cette fois bel et bien lancé après le couac face à l'Italie. Les Belges ont remis les choses en place et les pendules à l'heure en s'imposant 3-0 face à cette République d'Irlande qui pourtant a encore posé des problèmes à la Belgique sans trop de rythme et d'inspiration en première période. Une domination certes assez nette dans les chiffres mais un peu laborieuse et stérile, et puis tout se décante à la reprise grâce à un but rapide de Romelu Lukaku en début de seconde période, bien servi par De Bruyne, et puis Witsel exploite de la tête un centre de Meunier et Romelu Lukaku encore lui fixe le score à 3-0 à la 70e minute après un très bel effort d'Eden Hazard. L'addition est là, elle est nette et claire. Sans appel pour les Irlandais, la Belgique s'empare de la deuxième place de ce groupe E avec 3 points, deuxième place qu'il faudra confirmer voire conforter évidemment mercredi prochain à Nice face à la Suède pour nous permettre d'accéder au 8e de finale et à peut-être une partie de tableau plus favorable encore que prévu dans cet Euro. Enfin, une mention spéciale aux 10 000 supporters belges qui ont fait preuve, qui ont montré et qui ont assuré une ambiance extraordinaire en cet après-midi finalement ensoleillé à Bordeaux. Belgique 3, Irlande 0. Merci Thierry. Thierry Luthers, c'est Emmanuel Jousse qui vous ont fait vivre cette rencontre en direct de Bordeaux. Chez nous, malgré la météo assez capricieuse, vous avez été nombreux aussi à suivre cette rencontre, évidemment un peu partout dans le pays. Exemple, à Charleroi, là-bas c'est la Brocante des Quais, un événement très suivi. Les supporters belges ont suivi le match sur écran géant. Un peu de stress évidemment, comme partout pendant les 45 premières minutes. Et puis l'explosion de joie, on l'imagine. On retrouve Luciano Arcangeli en direct. Alors Luciano, on imagine que l'ambiance est à la fête sur place. Oui, alors pour reprendre un petit peu Thierry Luthers, il ne faut pas oublier les milliers de supporters qui sont un peu partout disséminés en Belgique face à ces fameux écrans géants un peu partout dans les cafés. Et au moment où je vous parle, eh bien, c'est la même image, à savoir les couleurs nationales, les cris de joie et puis des sourires de supporters que l'on sent vraiment relaxés, heureux. Et je vais même dire un petit peu soulagé parce que le début du match a été un petit peu tendu. Et puis ça s'est progressivement libéré. J'ai à côté de moi des jeunes qui font la fête et qui sont bien contents. Vous les entendez? Effectivement. Voilà, voilà, c'est Charleroi qui est soulagé aussi parce que le temps s'est mis de la partie. La pluie s'est arrêtée pratiquement au début de la deuxième mi-temps. Et voilà, tout va bien à Charleroi. Et on imagine, Luciano, que tout Charleroi va faire la fête encore pour de nombreuses heures, évidemment, avec ce résultat. C'est bien parti. On vous laisse les suivre, Luciano. Oui, merci, David. Luciano Arcangeli en direct de Charleroi, où on le voit, il y a pas mal d'ambiance. 3-0 donc pour la Belgique face à l'Irlande. La suite des rencontres, eh bien c'est déjà à 18h et on jouera dans le groupe F ce soir. 18h donc, Islande, Hongrie, et puis à 21h, Portugal face à l'Autriche. Les événements autour des écrans géants dressés pour suivre les diables étaient-ils visés par une attaque terroriste? Les services de sécurité n'écartent pas l'hypothèse. Une quarantaine de perquisitions ont été menées la nuit dernière en région bruxelloise, mais aussi à Tubize, à Fleurus, près de Charleroi, ou encore à Liège. Il fallait agir vite. 12 personnes ont été interpellées. Selon nos informations, certaines de ces personnes sont liées à l'entourage des terroristes qui ont attaqué Bruxelles et Zaventem le 22 mars, les frères El Bakraoui et Mohamed Abrini. Un conseil national de sécurité s'est réuni ce midi, mais Pierre Magos, le niveau de menace terroriste reste à 3 sur une échelle de 4. Principale décision, la Belgique est et reste sous le régime du niveau 3, ce qui signifie une menace possible et vraisemblable. En revanche, les mesures et les moyens de sécurité déjà mis en place ont été adaptés aux circonstances. Je peux donc confirmer que sur base des informations qui ont été communiquées au Conseil de sécurité, le centre de crise a proposé de prendre des mesures de sécurité complémentaires, additionnel et adapté avec une attention particulière pour les soft targets. Ces soft targets, des cibles potentiellement sensibles, comme les rassemblements de foule, notamment dans le cadre du match des Diables Rouges, font donc l'objet d'une surveillance renforcée, tout comme certaines personnalités, dont plusieurs membres du gouvernement, ce que nous a confirmé le ministre de la Justice, Koen Gaens. C'est aussi une nouvelle mesure qui a été prise, oui. Il y a des raisons précises, des menaces qui pèsent sur les membres du gouvernement? Je ne suis pas de nature à divulguer des informations précises à ce sujet, donc je ne donne pas de commentaires. Très grande discrétion donc de la part du gouvernement sur les éléments nouveaux découverts par les enquêtes.